Bonjour, ça marche. Donc, merci à tous d'être venus pour ce rendez-vous un peu spécial, parce que des causeries en général, ça se passe que, pour ceux qui ne connaissent pas le CIRA, ça se passe un samedi par mois, en début de mois. Et puis là, à la demande de nos amis espérantistes, on a organisé cette causerie exceptionnelle parce que nous avons un invité exceptionnel et parce que c'est pas comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Marc Leclerc, de son pseudonyme en espéranto, c'est Yomo, si je prononce bien. Et donc Yomo, alors on avait déjà pris contact par l'intermédiaire de Thierry, on avait essayé d'organiser quelque chose il y a un ou deux ans, ça ne s'était pas fait, et bon, à cette occasion, moi je m'étais un peu penché sur qui est Yomo, et Yomo était quelqu'un de très intéressant, c'est un musicien, alors c'est plutôt, alors si je dis des conneries, tu me reprends, plutôt rock, la musique slave. Et surtout, il est polyglotte, donc avec ses groupes, dont un qui s'appelait Los Ligatarios. Il a enregistré un album où il y a 22 morceaux, et chacun dans une langue différente. Alors, c'était le record sur scène, ça. C'est pas celle-là. Alors, c'est un record, oui, ouais, c'est pas un disque. C'était sur scène. Donc, c'est dans le Guinness des records, on s'en fout, mais voilà. C'est quand même pas mal, 22 chansons, 22 langues différentes, c'est bien. Ce qui prouve aussi que les espérantistes, contrairement à ce que disent certains, s'intéresse à toutes les langues du monde. Et en général, je pense que vous êtes sûrement tous et toutes très polyglottes. Et ça me rappelle aussi, pour faire le lien avec l'anarchisme, un personnage que vous connaissez qui s'appelle peut-être Armand Robin, qui est un poète breton, et de langue natale le breton. Alors lui, il ne s'est pas mis à l'espéranto, mais il parlait aussi des dizaines de langues. Enfin, il comprenait, il lisait, parce que il était poète, donc de langue natale. Et donc, quand il a appris le français à l'école, il écrivait des poèmes en breton, en français, et après, il s'est mis à écouter toutes les radios internationales de propagande, et il a travaillé sur la propagande. Il faisait un petit bulletin où il connaissait jusqu'à des langues comme le tcherkès des prairies. Si vous savez où c'est au fin fond, avant la Sibérie, je ne sais pas où c'est exactement. Mais il arrivait, il comprenait le chinois, le japonais. Il retranscrivait ce qu'il entendait à la radio, il faisait un petit bulletin et qui était tapé à la machine à écrire. Il avait une centaine d'abonnés, dont des gens importants, des politiciens, parce que les personnes parlaient de tcherkès des prairies. Mais je pense que ça aussi, vous devez le savoir, quand on commence à apprendre des langues, après on s'intéresse à toutes les autres, puis c'est facile comme... Enfin, c'est facile. Moi, j'en lis pas mal. On est passionné, c'est le principe. Voilà, alors, bon, Yomo, il a commis ce livre-là, qui est, bon, c'est vraiment intéressant, c'est le rapport avec la conférence d'aujourd'hui, ça s'appelle Ukraina, et c'est écrit en gascon. Bon, alors, si j'ai vu qu'il avait fait une version clandestine en français, ouais, qui est réservée à ses potes. Oui, non, parce que j'ai fait... Parce que personne n'a lu le livre en gascon, je sais. Non, moi, je l'avais... Oh. Vous savez que pour niveau des langues, c'est toujours la loi du moindre effort et du plus feignant. C'est-à-dire que les gens me disent « Non, moi, je ne comprends pas et tout. » Alors, en France, qu'on me dise ça... J'ai fait imprimer sur, je ne vous dis pas le site, une version en français que je donnais au copain qui m'énervait. Donc moi, je lis le provençal et l'occitan, je vais me lancer dedans, et puis là, on aura déjà des pistes aujourd'hui. Donc, que vous dire de plus? Alors, donc, c'est la moitié de la salle, non, 60% de la salle, c'est que nous sommes dans le cadre d'un congrès d'espéranto qui s'appelle Marseille, Porte de l'Europe. Alors ça, je le dis pour les autres, et puis si j'ai des bêtises, je vais me rattraper. Marseille, Porte de l'Europe Méditerranée, qui se tient à Marseille du 5 au 8 mai. Donc il y a un site internet, et puis si vous voulez des renseignements complémentaires, on vous les donnera. Donc ce colloque est organisé... oui, on a un congrès. Ce congrès est organisé par Espéranto France, Espéranto Provence et Espéranto Marseille. Alors, toutes les semaines, on a un cours d'espéranto et ça se passe depuis au moins 5-6 ans, voire plus, parce que dans l'ancien local, ça devait être une dizaine d'années, donc c'est animé par René Triol, qui n'est pas parmi nous. Elle n'est pas là, elle fait passer des examens. Qui fait des cours de plus aussi avec un certain Greg qui avait 37 ans à l'époque. Et donc, elle a écrit, même, on a une trace de cours où ils ont fait, pendant le cours d'espéranto, ils ont même fait du russe. Tout va bien. Donc, ceux qui ne sont pas au courant du congrès d'espéranto pourront discuter après, vous aurez un moment d'échange entre les espérantistes et notre public anarchiste ou curieux ou marseillais. Et vous pouvez tout ce que vous voulez. Donc, j'ai oublié de dire que Yomo a écrit un manuel de conversation français-gascon et un dictionnaire de rimes occitanes. Donc, l'occitan, ça a l'air d'être une des langues qui lui tient à cœur. Ouais. Et pourquoi Magno ? Voilà, on commence comme ça. Voilà. Alors, moi, je me lève. Tu peux ? Oui, bonjour. Tu peux passer devant. Ouais, comme ça, je peux bouger et tout. La parole se bat, Donc, bonjour. Alors. Ce que j'aimerais expliquer aussi, c'est que, bon, je suis musicien, c'est ma profession, mais je suis militant des langues. Alors, c'est un peu c'est surprenant, parce qu'en général, le militant des langues, ça parle comme beaucoup, parce qu'en général, on est militant politique, ou alors on est militant écologique, ou alors on est... Moi, je suis militant des langues, parce qu'en fait, je crois que les langues, c'est des langues, point. Non, en fait, c'est un sujet très tic, là, c'est-à-dire un sujet très délicat, pour lequel on peut se battre et même s'entretuer, des fois. C'est vrai. Parce que les langues, ça touche à l'histoire, ça touche à la culture, ça touche à l'identité, ça touche à l'espace. Donc, moi, je suis militant des langues. Je suis bien, et donc, je m'intéresse aux langues qui méritent d'être aidées, parce qu'elles souffrent de préjugés. Elles souffrent de préjugés et de surtout d'une grosse propagande étatique, et puis voilà, de la majorité bien pensante, qui pense des choses qui sont fausses. Alors, les deux langues, moi, j'habite à Toulouse, donc forcément, je m'intéresse à l'occitan. D'autant plus que c'est une langue dans sa forme gasconne qui a bercé mon enfance, parce que mes deux parents parlaient gascon. Donc c'était dans le Gers, dans l'Armagnac. Et donc ils parlaient un magnifique gascon, superbe. Bien que mon grand-père soit italien, il est arrivé de Piémont et il s'est mis à parler gascon, il parlait français, gascon, italien. J'ai oublié quoi, piémontais, et puis il a appris l'allemand pendant la guerre, parce qu'il était prisonnier dans les fers. Étant paysan, il parlait cinq langues. Et donc, j'entends le gascon, et c'est une langue qui est, l'occitan de gascon, qui est magnifique, et qui est 9 fois plus riche que le français, oui. Au niveau, alors pour des raisons historiques, vous savez, on m'en a appris une ce matin, c'est que déjà, le français, c'est la langue du roi de France, donc, quand on a les choses de la nature, on ne connaît pas trop. N'est-ce pas? Pour dire, par exemple, un fort coup de vent. En français, il y a deux mots. Il y a bourrasque, qui vient du provençal, et la rafale, qui vient de l'italien. Et moi, j'ai un dictionnaire de gascon à la maison, il y a 27 mots. Il y a 27 mots, c'est deux. Parce que pour un paysan, en fait, je veux dire, pour quelqu'un qui est proche de la nature, si le vent il est très fort ou pas trop, s'il apporte de la pluie, s'il apporte de la neige, s'il est sec pour les récoltes, enfin voilà. C'est un peu comme l'histoire des chameaux pour les Arabes, ou de la neige pour les Inuits, c'est pareil, il y a plein de mots. Donc tous les mots de la nature ont été un peu oubliés. Après, il paraît, alors on m'a appris ça ce matin, que Louis XIV avait demandé, alors ça je vais m'inquiéter parce que ça m'intéresse vachement. Louis XIV a demandé à ce qu'on réduise le vocabulaire des Français, comme un peu dans 1984, pour abaisser le niveau du peuple. Alors ça, quelqu'un qui m'a dit ça ce matin, je ne sais plus si c'était un soir, mais bon, avait dit ça. Et après, en français, alors le français s'est appauvri aussi par autocensure. Vous le saviez ça? Par autocensure, c'est-à-dire tout ce qu'on... Alors on se dit la nature, oui c'est normal, c'est tous les paysans, on se trouve. Mais dès qu'il s'agit des sentiments, en français, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de mots. Vous le saviez ça? C'est très nébuleux, c'est le français, c'est par autocensure et par, je ne sais pas, par pudeur. Alors un étranger qui va prendre le français, mais c'est... pas faire de bêtises, mais c'est un casse-tête, c'est-à-dire, on s'embrasse, qu'est-ce que ça veut dire, on s'embrasse, sur la bouche, on se prend dans les bras, je l'aime, oui, mais tu l'aimes comment? Comme le fromage. J'aime le chocolat, j'aime ma mère, bon, écoute, là, on n'a pas beaucoup de trucs, on va coucher ensemble, mais qu'est-ce que c'est, et donc, si vous voulez, donc, moi, je me retourne devant une langue occitane qui est extrêmement riche, qui a apporté aux Français le mot amour. Le mot amour est un mot occitan. Non, mais normalement, c'est amour. Amour est le mot français. Parce que color, coloris, couleur. Calor, caloris, chaleur. Dolor, doloris, rien à voir comme ça. Et amor, amoris, amour. Et, mais comme on est au Moyen-Âge, l'amour, c'est l'amour physique, vraiment, dans tout ce qu'il y a de plus banal. Quoi. C'est l'amour physique. Et les troubadours du Moyen-Âge vont apporter une notion qui leur vient de l'islam en plus, c'est ça qui est. Ah, les gens ils sont sur le cul, c'est l'amour spirituel entre un homme et une femme de même niveau. Et donc on appelle ça amour, A-M-O-R, et ça vient, le mot français c'est ça, bien de l'occitan. En fait, c'est une langue prestigieuse, Et elle souffre d'un préjugé, c'est quand vous parlez avec des gens, il y en a qui vous disent c'est une langue des paysans, ou si tu la parles, t'es un facho. Quelque chose de fou. Il y a des gens qui vous disent c'est un truc de facho. Donc voilà, il y a de quoi débattre, il y a de quoi s'énerver, de se fâcher. Donc voilà, c'est l'occitan, langue pour laquelle il faut se battre un peu, il faut se bouger. Et l'espéranto aussi, moi je suis, donc je milite essentiellement pour ces deux langues. Donc langue internationale. Et alors le préjugé en général, c'est quoi le préjugé? Vous le connaissez, vous? Quand on tombe, sur lequel on tombe, c'est « Oh ben ça n'existe plus ». Ou alors, qu'est-ce qu'il y a pour le préjugé? Enfin, il y a des préjugés, on ne peut pas tout dire en espéranto. Voilà. Alors, on est face à des préjugés, ça donne envie de militer, ça ne sait pas. Par exemple, il y a eu un ministre, et j'ai oublié le nom du ministre, ça c'est dommage, qui disait « Ouais, l'occitan, c'est bien, mais on ne peut pas parler mathématiques en occitan ben, ». Malheureusement, le premier livre imprimé en occitan, c'était un truc de mathématiques. Donc, sous le comte de Toulouse, alors le comte de Toulouse, il va ouvrir une université, la première université de France, enfin, de l'époque, qui est à Montpellier, première université de médecine. Quoi. Et de là, il y a des mecs qui viennent de Al-Andalus, vous connaissez Al-Andalus ? Donc c'est l'État qui viennent, des Juifs, des Arabes et des Berbères, qui viennent enseigner la philosophie à Montpellier. Voilà. Alors quand on dit vous parlez occitan, c'est un peu plus sur soi-même, c'est un peu bizarre. Et alors moi ça c'est un des préjugés aussi. Oui, les langues régionales c'est un repli sur toi-même. Bon. Alors moi j'ai toujours cette question qui tue, c'est expliquez-moi pourquoi un mec qui parle que français, il est moins replié sur lui-même qu'un mec qui parle occitan et français. Ça j'en ai jamais répondu. Il cherche encore le mec. Donc voilà, donc les préjugés. Donc je suis donc militant des langues, et donc je suis venu ici pour dans ce congrès euro-méditerranéen d'espéranto. Voilà. Et donc, j'ai eu juste un contact avec Flavie, elle m'a dit, tu veux faire un concert? Ouais, à Marseille, ouais. Après, elle m'a dit, tu veux faire une conférence sur l'Occitan? Ouais, vas-y, tout ça, voilà. Après, elle m'a dit, tu veux faire une conférence sur Marcenon? Ouais, vas-y. Et ça a duré quelques semaines, et après, je me suis aperçu que c'était aussi rare. Attends, j'arrive plus, j'ai perdu l'objet. Ah, c'est pas pareil! On se faire une conférence, et bon, alors, j'étais chez là, avant, d'accord. Et si vous voulez, ici, il y a beaucoup plus de documentation sur Marcenon que ce que je vais apporter moi. Là. Alors, mais enfin, je vois qu'il y a des gens quand même qui sont venus du congrès. Donc, je vais raconter un peu mon rapport que j'ai à ça, quoi. Tout commence par un truc espéranto, tout bêtement, en Crimée. Dans la Crimée, à l'époque, était encore ukrainienne. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Yefim Zaidman. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il habite à Yalta. Yalta, c'est une ville qui est bon, touristique, c'est vrai. Mais c'est joli, non. Et donc il organise des rencontres culturelles. Et donc j'y suis allé, trois fois en Crimée. Et un jour, il me trouve un concert début de semaine, et un concert en fin de semaine, et je me retrouve avec trois jours de libre, quoi. En plus, bon, comme c'est loin, j'ai fait pas qu'un aller-retour, donc j'y reste un peu, j'y reste une semaine. Installez-vous. Et donc j'ai trois jours de libre et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire à Vétec? Je vais aller à Boulay-Polier. Alors Boulay-Polier, c'est une ville qui est vraiment au centre de l'Ukraine. Et qui est. On n'a pas une carte de l'Ukraine ici. Bon, c'est le centre. Donc j'ai pris le train, mais après j'ai pris un taxi parce que là il n'y a plus de moyens de locomotion, s'il y a un bus, mais très rare. J'ai pris un taxi, je me suis retrouvé à Boulay-Pol. Alors on va parler un peu de l'Ukraine. Je sais pas, qu'est-ce que des gens connaissent l'Ukraine ici, donc. L'Ukraine, là. Et l'importance de l'histoire dans l'aventure de la Marnochtchina, c'est que. La Russie et l'Ukraine, généralement, ont connu un système social qui était un peu bizarre. C'est-à-dire que cohabiter deux systèmes qui n'avaient vraiment rien à voir, c'était le servage, c'est-à-dire la féodalité, qui était minoritaire. Et à côté de ça, vous avez des communes qu'on appelle en français mille, mais en fait, les Russes, c'est pas mille. Mais c'est des communes où les terres sont en commun et c'est administré d'une façon autogérée. C'est dans la culture. Et ces deux systèmes, alors ça c'est qui est bizarre, c'est que ces deux systèmes cohabitent, on va dire. Donc il y a des serfs et des hommes libres. Ça se passe en Russie, en Ukraine. Et à peu près à la fin du XIIIe siècle, alors j'ai des problèmes avec les nombres, avec les numéros de siècle, parce que ça ne correspond pas aux centaines. 1295, c'est bien la fin du XIIIe siècle. Il y a un phénomène qui va se créer, c'est que, phénomène important, il y a des gens qui en ont marre du servage, on les comprend, et ils vont partir, et ils vont se retrouver dans la steppe. Alors la steppe, on n'a pas de carte, mais ça part à... En Roumanie, ça va jusqu'à Pékin, donc il y a la place. Donc ils s'enfuient et ils vont essayer de vivre dans la steppe, ils vont se regrouper. Et on va leur donner un nom, on va l'appeler Cosaque. Cosaque, ouais, un nom qui vient du tatar ou du turc, c'est pareil. Et qui veut dire homme libre ou vagabond, c'est pas très bien. Cosaque. Alors ils vont créer, ça va créer la cosaquerie. C'est un truc qu'on connaît un peu, ça fait folklorique. Du Cosaque, imagine le mec qui fait... Ouais. Voilà. Enfin, on en a une vision un peu cinématographique et hollywoodienne. Enfin, bon, et on se demande qu'est-ce que c'est les Cosaques. Les Cosaques, souvent. Les Cosaques Kézako. Et en fait, c'est des communautés assez spéciales, parce que c'est des gens qui vont se dire alors nous, si on a. Notre mot d'ordre, c'est ni maître ni maître. Oui, alors Dieu, ils sont orthodoxes, et ils disent, nous, on accepte tout le monde, bon, il faut qu'ils soient orthodoxes. Donc le mec, alors par contre, il y avait des gens non orthodoxes qui venaient, ils se convertissaient, voilà, manière, et puis bon. Et donc leur omnibulation, je ne sais pas, mais bon, leur tintin, leur idée fixe, c'est, nous, on est libre, on n'accepte aucune autorité. Quoi. Ça, c'est les Cosaques, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Toutes les décisions des Cosaques, ça va se faire en assemblée générale à main levée. C'est-à-dire, c'est l'autogestion pure et dure. Et alors, par contre, ils sont dans un milieu hostile, ils sont au milieu de la plaine, et il y a des gens qui vont leur embêter, ils vont leur chercher des noises, comme le tsar, etc. Et puis des potentats locaux, ça va les gêner, quoi. Donc ils vont commencer à rentrer en conflit contre d'autres entités, et là, ils vont se castagner, ou occident. Et donc, il faut s'organiser. Donc, ils ont dit, là, quand on se cascade, il faudrait un mec qui décide, parce qu'on ne peut pas faire une AG en pleine bataille pour dire, vous le savez. Donc, on va pas faire une AG, donc il faut un décideur, un mec qui va être chef militaire, qui aura juste décision militaire. Et alors, donc, d'accord, ok, mais on va les lire, parce qu'on ne va pas se prendre un mec. Donc, ils élisent un chef, qu'on appelle le Ataman, c'est le nom, ou Hetman. Il y a deux noms. Et ce chef, donc, il a les prérogatives militaires, si vous voulez, c'est tout, c'est moi. Et surtout, il est mandaté, il n'est pas chef. Il se présente, on voit que c'est une élection, on a levé tout ça. Et il y a une cérémonie d'introduction, alors là, que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois que le mec, c'est pas comme chez nous, quand le mec, on l'applaudit, il est à Taran, ils prennent des baquets d'eau, c'est vrai, ils vont dans la terre, ils font de la boue, et une fois qu'ils ont fait de la boue, ils prennent le mettent dans la boue. C'est-à-dire, tu es le chef, mais tu ne la ramènes pas. Donc, c'est un Et donc, il est vraiment mandaté dans la boue. Et le jour où il fait un truc, soit trop d'autorité, ou il fait un truc, il y a l'Assemblée Générale de suite, et on le voit, on lui coupe la tête. On les destitue. Voilà. Dans les Cosaques, ils vont vraiment. Former des communautés, alors assez indépendantes les unes des autres, hein, assez différentes. Vous allez avoir des Cosaques ukrainiens, très importants, qu'on appelle les Zaporogues. Alors Zaporogues, parce que Porogues, c'est les rapides, c'est là où le Dnipro il fait des chutes. Dans Zaporogues, ils sont derrière, donc on appelle les Zaporogues. Puis il va y avoir des. Taras Bulba. Ouais, alors Taras Bulba, c'est un Zaporogue. Après, il va y avoir des Cosaques donc du Kouban, il va y avoir des régions, ils sont assez indépendants entre eux. Et alors, ce qui se passe, c'est que, bon, ils sont de très bonnes unités combattantes. Imaginez, ils connaissent la steppe, ils passent leur vie à cheval, ils s'entraînent à se battre, etc. etc. Et donc, ils vont exercer la convoitise du tsar, quoi. Du tsar et du roi de Pologne. C'est-à-dire que l'histoire de la Cosaquie va se résumer presque. Le début, par la tentative du tsar de les intégrer dans l'armée du tsar. Quoi. Et eux, de refuser, et puis de temps en temps, ils acceptent, et puis après, ils se révoltent, ils s'entretuent, enfin bon, c'est assez dur. Hein. Mais les Cosaques, ils veulent toujours garder leur indépendance, mais parfois, ils se font avoir, quoi, ils sont ils se font embrigader. Alors il y a des célèbres révoltes de cosaques comme Pougatchev ou Khmelnytsky, c'est des chefs cosaques qui vont ou Stenka Razin, vous savez la chanson Volga, Volga, Matrana, Ina, Volga, Ruskaya, Volga, Ruskaya, Rika, bon, voilà. Donc, des révoltes contre le tsar, et puis s'il y a des moments de paix, on va leur promettre un peu des choses comme ça. Et ça. Et après, par exemple, alors les tsars, alors ils vont être apparemment dans l'histoire, ils vont être définitivement un peu engagés par Catherine de Russie, la grande, qui va réussir à créer des régiments cosaques de l'armée. Quoi. Alors c'est un peu la fin du rêve, c'est sont brigadés, c'est un peu un virage, quoi. Un virage dans l'histoire, il va y avoir dans des régiments cosaques dans l'armée russe, mais après il y en a qui ne sont pas en brigade et qui restent quand même des membres. Hein. Donc ils font qui doivent critiquer les autres, vendus et tout. Et ces régiments cosaques, ils sont utilisés pour la répression, en plus, c'est contre les ouvriers. Enfin, donc on se retrouve avec des régiments cosaques à Saint-Pétersbourg qui sont absolument déconnectés de tout ce que peut être la cosaque zirique. C'est des unités d'élite surpayées, et dès que les ouvriers ils bougent, on les envoie à eux, cheval, tout, comme en fait. Mais il y en a qui vont rester au pays un peu, qui vont garder l'esprit. Par exemple, la Sibérie a été conquise par 500 cosaques. Alors, est-ce que c'est une légende? 500, ce n'est pas beaucoup. Hein, pour la Sibérie. Il n'y a pas une grosse population, ils ont envoyé 500 cosaques pour conquérir toute la Sibérie. Donc. Alors, c'est des gens qui sont excellents. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont excellents cavaliers, mais ils sont excellents navigateurs aussi. Ça, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'ils ont des bateaux à fond plat. Ils vont sur la mer, alors vous voyez l'Ukraine, en face de la Turquie. Et donc ils vont faire des raids, et comme le bateau est à fond plat, ils arrivent, hop, ils prennent le bateau sur le dos, tout doudou, ils continuent, je fais une rivière et ils continuent. Et donc ils vont faire des raids, ils vont se ravitailler à droite à gauche, et puis ce qui se passe, c'est qu'ils sont en contact avec les Tatars. Les Tatars, donc, les Tatars, c'est un élément important dans l'Empire russe. Il faut savoir que pendant, je crois, plusieurs siècles, le tsar de Russie était Tatar, était musulman. C'est-à-dire que pendant plusieurs siècles, ils avaient battu les Russes, et ils avaient pris le titre. La capitale, c'est Kazan, et la deuxième partie du Tatarstan, vous savez ce que c'est? C'est la Crimée. C'est que la Crimée est une. On pourra en parler après si vous avez des questions sur la Crimée. C'est une presqu'île qui est peuplée de Tatars depuis toujours. Depuis toujours jusqu'en 1930 où Staline va les déporter. Et donc les Cosaques, dès qu'ils sont dans l'armée russe, du tsar, on les emploie souvent à garder les frontières et à maintenir un peu les Tatars. Alors, je vous conseille un roman de Gogol qui s'appelle Les Cosaques, où qui parle de ces rapports qui existent assez étranges entre les Cosaques, qui sont devant les Tatars, et en fait, c'est les mêmes. Ils sont habillés pareil, ils fonctionnent pareil, ils font du commerce de tabac, ils se marient entre eux, etc. Ils parlent tatar, etc., tout ça. Et arrive un officier russe qui est absolument hors contexte et qui ne comprend absolument pas la situation. Il ne comprend pas ni les Cosaques, ni les Tatars, etc. Ils sont très proches des Tatars. D'ailleurs, le mot vient du Tatar, leur habit vient du Tatar. Vous savez, ils ont des gros pantalons rouges qu'on appelle les chamépales, qui servent à monter à cru, etc. C'est des habits Tatars, ils sont de culture entre Tatars au niveau du fonctionnement. Et donc, les Cosaques, alors après, ils vont tomber du coup un peu dans la folklorisation aussi, quoi. Puisque le pire, c'est quand Napoléon est battu, donc 1815, et donc les armées russes arrivent à Paris et ils campent sur le champ de Mars. Et là, il y a les Cosaques. Et les Cosaques, et quand même, les Parisiens, les bourgeois parisiens, ils s'y trouvent, ces Cosaques, un peu attirants, donc ils y vont. Et les Cosaques, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des chansons, ils font des trucs à cheval et tout, pour se faire un peu d'argent. Et donc, on retient beaucoup de ça, des Cosaques, et ces danses. Alors, ils font des danses qui ressemblent beaucoup au hip-hop. C'est-à-dire que c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Comment ça s'appelle? La démonstration. Ouais, ça s'appelle. Ça s'appelle Hopak. Hopak, c'est-à-dire qu'ils sont tous en. Vous savez que dans le truc de hip-hop, vous avez déjà vu, ouais. Où les mecs sont en art de cercle, et de temps en temps, il y en a un qui se mouille, qui, ouais. Ouais. Qui fait un solo et qui essaie de faire le plus. Et eux, ils le faisaient, ouais. Ce qu'ils faisaient. Ouais. Ça s'appelle le Hopak, avec un G, donc Gopak en russe. Et donc, ils sont comme ça en art de cercle, puis il y en a un qui va au milieu, qui fait un truc. Donc, ils font ça aux Parisiens. Et après, ils font ce qu'on appelle Jigit. Jigit, c'est celui qui a un cheval, qui fait des figures. Et alors, il y a une légende, alors je voudrais mettre fin à une légende, je suis désolé. Mais le mot bistrot, je ne crois pas. Je crois que c'est une belle histoire, mais je ne crois pas. C'est-à-dire qu'on dit que le mot bistrot vient de cette époque-là où il y avait l'occupation russe, enfin les troupes à Paris, et qu'ils rentraient dans un bar, ils disaient bistra, bistra, et c'est devenu bistrot. Ça veut dire vite. Ça veut dire vite. Vite, pardon, ouais. Ça me paraît pas. C'est ce qu'on disait d'habitude. Ouais. Parce que par contre, il a existé un mot qui était bistroqué, qui a donné bistrot et troqué. Ça, par contre. Ah, bon. Donc, qu'est-ce que je disais sur les Cosaques? Ah oui, les Cosaques. Donc, c'est assez intéressant de savoir ce que est devenu maintenant l'univers des Cosaques. Alors, ça s'est divisé. Ils sont indépendants, mais c'est des groupes indépendants. Par exemple, quand il va y avoir la révolution. Ils vont choisir leur camp, ils ne vont pas aller d'un bloc comme ça. Il va y avoir des Cosaques dans la Marnochina, il va y avoir des Cosaques dans l'armée rouge, Cosaques beaucoup avec le Tsar, des Cosaques indépendantistes ukrainiens. Et maintenant, qu'est-ce que c'est devenu? Alors, il y a plusieurs tendances. Il y a ceux qui sont partis du bled et qui sont allés à Saint-Pétersbourg et qu'on a beaucoup payé, tout ça, et puis il y avait des officiers, tout ça. C'est devenu une espèce de club bourgeois, un peu, hyper bourgeois, très riche. Et qui élèvent leurs enfants en faisant de l'équitation avec un uniforme, ils font des balles et tout. Ça, c'est les Cosaques. Les versions Cosaques de Saint-Pétersbourg. Après, vous avez sud de la Russie, dans le Caucase. Alors, le Caucase, il y a des populations mélangées. Donc, il y a les Russes qui sont avec des Tchétchènes, enfin, tout ça. Et quand ça se passe bien, il y a des espèces de milices, c'est des milices. Il y en a qui se disent Cosaques, mais ils sont, mais c'est des milices, quoi. C'est des gros bras. Et quand il y a des histoires de voisinage, ils viennent d'un coin, c'est quoi cette histoire de... Tout le monde fait, voilà. C'est des milices pro-russes, on va dire. Et puis après, il y a les Cosaques ukrainiens. Alors, il y a une association des Cosaques ukrainiens, dont je fais partie. Ouais. Et qui sont devenus un truc écologiste. C'est-à-dire que leur but, maintenant, c'est de garder la nature propre et tout. Enfin, rien à voir avec ceux de Saint-Pétersbourg, rien à voir avec ceux de... Donc, voilà. Alors, c'est dans ce contexte... que va se situer le fond du roman. Alors, pourquoi j'ai voulu écrire ce roman? Parce que, en général, on a une vision de la révolution russe, à part les gens du Sirah qui connaissent bien, mais qui est assez simple et qui est assez binaire. Il y avait un tsar, il n'était pas gentil, et tout d'un coup arrive le grand Lénine, et tout le monde se lève, et il bat le tsar, et c'est fini. Bon. Après, la situation est beaucoup plus compliquée. Et beaucoup plus complexe surtout, et avec beaucoup plus de participants. L'Ukraine, l'Ukraine, elle est un peu à la fin de la guerre de 14. Enfin, la guerre de 14, oui. Il y a donc, vous savez que la Russie, donc il y a la révolution, et ils demandent la paix aux Allemands et aux Autrichiens. Et donc ils vont obtenir la paix, ils vont faire un traité à Brest-Litovsk. Je ne me trompe pas, moi, ça. Et dans ce traité, il y a occupation de l'Ukraine par les troupes austro-hongroises. Donc, les troupes austro-hongroises viennent. Et c'est là que va commencer, donc, à s'illustrer un certain Nestor Makhno, qui est un fils de paysan d'une famille nombreuse. Et donc, lui, qui est engagé déjà dans des actions politiques, et qui va commencer par faire un peu le coup de main, quoi, contre les Autrichiens. On va se faire la main sur les Autrichiens. C'est-à-dire que ça va être leur déclencheur, c'est de se battre contre les Autrichiens pour les faire partir. Ce Nestor Makhno, donc, était quand même un activiste depuis l'âge de 14 ans, je crois, puisque à l'âge de 14 ans, il est arrêté et est envoyé en prison, à Moscou. Et c'est là qu'il... Alors d'après... Alors c'est marrant parce que les biographies changent. C'est là qu'il apprend à lire. C'est là qu'il apprend le russe. Ça dépend. Enfin bon, il apprend à lire le russe, apparemment. Il apprend à écrire, tout ça. Et en fait, cette prison, c'est une prison où il y a plein de révolutionnaires. Donc c'est une espèce d'université aussi révolutionnaire. Et alors on dit qu'il a rencontré Lénine. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous croyez, ouais. On cite une... Parce que bon, il y a beaucoup de légendes et de trucs à profil. Il aurait rencontré Lénine, est-ce que... Non, je sais pas. Je sais pas trop. Ça dépend des livres. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été en prison à la suite de la révolution de 1905. Ouais. Il avait participé très jeune à un mouvement révolutionnaire qui a échoué. Ouais. Et après, c'est peut-être... Après, j'ai pas révisé avant de venir. Ouais. Peut-être... Mais je crois que quand il a été libéré de prison, à ce moment-là, peut-être, il a rencontré Lénine à Moscou. Ouais. Plus tard, il a rencontré Lénine. Ouais, oui. Plus tard. Pas à l'occasion, d'accord. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'après la révolution, alors on va faire des schémas, parce que c'est pas le schéma blanc et rouge, et il y a la guerre civile, ça suit une guerre civile assez dure. Et en Ukraine, il y a pratiquement 5 ou 6 armées qui s'affrontent. On n'est pas sur les deux trucs binaires. Alors, bien sûr, il y a l'armée du tsar. Chacun a une couleur, c'est pratique. C'est plus pratique, c'est les deux couleurs. Donc, les blancs, vous connaissez, c'est les tsaristes, c'est l'armée du tsar, quoi. Donc, qui défend le pouvoir du tsar. Il y a le pouvoir bolchevique, enfin, l'armée bolchevique qui est rouge, par la même occasion. Bon, d'accord. Et donc, il y a des paysans ukrainiens autour de Roulaï-Polier ou de Goulaï-Polier qui décident de créer une entité politique autogérée, anarchiste, libertaire. Et donc, ils choisissent la couleur noire, naturellement. D'accord. C'est pas fini, il y en a encore d'autres. Là-dessus, il y a, à l'ouest de l'Ukraine, il y a les indépendantistes ukrainiens. On oublie, mais... qui, eux, vont s'armer, qui vont s'allier à l'armée polonaise. Vous voyez le plan. Déjà, ça complique. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les indépendantistes ukrainiens, aidés par la cavalerie polonaise, vont arriver jusqu'à Kiev, vont prendre le pouvoir à Kiev. Et après, ils vont être repoussés. Et là, par l'armée rouge, et l'armée rouge, elle va foncer sur la Pologne. Et les Polonais vont arrêter l'armée rouge, ils vont appeler ça le miracle sur la Vistule, parce que c'était pas gagné. Les bookmakers les donnaient vers l'arbre, ils ont gagné. Et donc, ça fait déjà, vous avez compté combien? Ça fait 5 armées. Et il y a une sixième. Hein, les couleurs. Ah ouais, les couleurs. Alors bah, les indépendantistes sont jaunes et bleus. L'armée polonaise, elle est rouge et blanche. Oui, c'est cool. Et il y a une armée verte. C'est pas des escarabouches. C'est pas des écolos non plus. Alors, on en parle dans certains livres, c'est pas très précis, on sait pas trop ce que c'est. C'est sans doute des gangsters, en fait, des bandits, des gens qui profitaient de la guerre civile pour. Parce qu'il y avait aussi des chefs de guerre, de petites bandes, qui faisaient leurs lois, etc., qui essayaient de se raccrocher à rien, mais qui essayaient de tirer le maximum de profit, tout simplement. Il y a en particulier un certain Grigoriev, Ataman Grigoriev, qui prenait le titre d'Ataman, parce que c'était gratuit, il n'y avait pas d'examen. Il prenait Grigoriev avec quelques hommes, et surtout, il était coupable, surtout de beaucoup de pogroms, ouais, etc. Et donc, Marc Nofina va le juger, puis va le condamner à être un peu fusillé. Petliura indépendantiste. Indépendantiste. Alors Petliura aussi, pareil, suspecté d'antisémitisme. Lui, à la fin, il va immigrer à Paris, il va être descendu sur le trône. Par un anarchiste. Hein, qui s'est vengé. Enfin, un juif anarchiste qui a vengé des pogroms. Ouais. Donc, voilà, c'est juste une parenthèse. On a le droit. Il faut. Alors, Matnovchina, il y a eu un débat il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous a dit que c'était un mot péjoratif en russe. La terminaison de China, c'était les adversaires qui l'appelaient comme ça, alors que c'était l'armée libre. Bah, il doit y avoir un mot, c'est pareil, j'ai pas révisé. L'armée insurrectionnelle, révolutionnaire, voilà. C'est le nom qui se donnait, et ces noms en China seraient péjoratifs. C'est un peu le truc à Macron, quoi. Voilà. Effectivement, c'est pas vraiment, dans le fond, péjoratif, mais le fait de dire, oh, c'est le truc à Macron, c'est un peu rabaissant. Là, c'est un peu... Surtout, ça resserre autour d'une seule personnalité. C'est un peu comme Umo en espéranto, excusez-moi pour les mots d'espéranto. Non, mais on va apprendre des choses. Umo, c'est une terminaison, c'est vague, ça n'y a pas de précis en nom. Quoi. Voilà. Alors, donc, vous imaginez six forces armées, peut-être plus, etc. Plus des indépendants qui travaillaient dans leur coin. Donc, c'est extrêmement violent. La technique des anarchistes, donc, elle est quand même, bon, ils sont quand même devant une armée rouge qui est puissante. et surtout qui va user de la ruse, parce que ils ont besoin, ils savent que c'est des bons combattants, et pour vaincre les tsaristes, ils ont besoin de l'armée de Marc Dantec. Donc ils leur promettent des choses, ils s'allient à eux, ils leur promettent des choses, et c'est pratiquement, alors bon, on va mettre au chemin, mais c'est l'armée noire qui va vaincre surtout les blancs, quoi, qui va aider, etc. Et dès que les blancs sont vaincus, alors les blancs, ils se rabattrient vers la Crimée, ils partent en bateau, tout ça, ils s'enfuient. Et dès qu'ils sont vaincus, ben, l'armée rouge se retourne vers les anarchistes et dit bon, ben, maintenant c'est fini, on siffle la fin de la récréation. Voilà, vous vous rendez les armes et on vous fera rien. Voilà, ça se finit déjà très mal. Et voilà, ça se finit à la fin, ils s'enfuient vers la Roumanie. Ils partent par la Roumanie parce qu'ils sont un peu coincés. Bon. Ils partent vers la Roumanie, Marnaud lui-même s'enfuit vers la Roumanie. Et donc ils vont jusqu'à Paris. Marnaud va à Paris. Où il devient ouvrier spécialisé aux usines de Renault. En Boulogne, il vient beau. Et là, il va écrire beaucoup de souvenirs, il va écrire beaucoup de motifs politiques, etc. Alors, il va pouvoir justifier aussi de ce qui s'est passé, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? La presse communiste, quand les communistes sont alliés aux anarchistes, c'est les meilleurs du monde, c'est des bons combattants, ils sont motivés, etc. Mais dès qu'on se retourne contre eux, là, c'est la propagande qui va prendre le relais. Enfin, la propagande négative, après la propagande positive. Et donc, on va accuser de banditisme, on va accuser d'antisémitisme, on va accuser de choses extraordinaires. Il y a Joseph Kessel. Pourquoi Joseph Kessel? Joseph Kessel qui va écrire un livre qui s'appelle « Marnaud et sa juive », où il accuse, alors Marnaud, mais d'un antisémitisme mais délirant. C'est-à-dire que, jugez-en par vous-même, un village, les marnovistes arrivent, ils réunissent tout, c'est de l'art, hein, tout le village sur la place, ils tuent tout le monde, ils font un tas avec les morts, et à ce moment-là, Marnaud arrive à la fin, il se met sur le tas des morts, et il sort avec les morts. Vous voyez, parce que c'est vachement réaliste, mais bon. Pourquoi Kessel est comme ça Est-ce qu'il était communiste à l'époque ou... Il peut avoir des sympathies, en tout cas. Ou alors il reprend, etc. Quoi, voilà. Donc, l'accusation d'antisémitisme mais... ouais. Il y a quand même, aux côtés de Marnaud, Soboline, ouais, qui était d'origine juive, ouais, qui a changé de nom. Ouais. Moi, j'ai compris que, je crois, il s'appelait Eisenbaum. Eisenbaum. Et pourquoi il aurait changé de nom s'il n'y avait pas eu, bon, comme moi j'ai entendu dire, c'est Roland. Non, c'est les révolutionnaires avaient tous des pseudonymes. Lénine, ça s'appelait Ulyanov, Staline, ça s'appelait Dougachvili, c'était la mode, entre guillemets. Ah oui, oui. Et par contre, oui, par rapport aux accusations d'antisémitisme, il y avait des juifs qui étaient dans la Makhnovchina, et Voline était. A écrit l'histoire de cette révolution du Front. Ah, oui, et Voline, pour l'anecdote, est mort, enfin, a fini ses jours à Marseille. Pendant la guerre, il était dans un. Il y a des gens qui l'ont connu, il fréquentait les émigrés espagnols. Ah, c'est ça, ouais, et après, c'est, bon, il était très malade et il est mort à Paris. Et il y a, dans la Makhnovchina, il y a un détachement, juif, commandé par un mec qui s'appelle Schtchus. Il y a des photos de lui, on dirait un peu Rolling Stone d'ailleurs, il a un look. Parce que bon, ils n'avaient pas d'uniforme, et il y a une photo célèbre de Marnon, où il a alors une espèce de veste de clown, enfin c'est une veste de garçon d'écurie, donc où il manque des boutons, ça prend un peu comme ça, enfin ils étaient avec les Moulins. Bon. Et donc leur moyen de lutter, mais c'était par la ruse, bien évidemment, on ne pouvait pas affronter. Alors ils essaient de simuler leur force, c'était de se fondre à la population, c'était la population, donc c'était compliqué. Et donc ils utilisent un moyen qu'ils ont inventé, alors est-ce que c'est eux qui ont inventé la Tachanka Non, c'est pas eux. C'est le truc de Cosaque. C'est le truc de Cosaque, ouais, je pense dire qu'ils prennent une charrette avec des chevaux, une famille qui va vite, légère et tout, ils mettent une mitraillette et puis ils mettent du foin dessus, et puis comme ça ils peuvent se promener discrètement, puis ils arrivent le foin et voilà, ça sert. Ils appellent ça la Tachanka. Voilà. Et donc, ils sont obligés d'utiliser la dissimulation, etc. Pour ne pas affronter directement. Enfin, bon, il a fallu quand même affronter l'armée rouge. Et bon, le rapport de force était déjà en leur défaveur. Voilà. Et donc, ça finit en 1921. C'est 21 à la fin, où, donc, j'ai dit, tout le monde fuit. Et voilà. Et donc, il y en a qui sont obligés de se rendre. Et il y en a qui sont obligés de fuir. puis il y en a qui sont exécutés, enfin bon, c'est la répression. Donc après, c'est les années 20, c'est les années 30. Alors il y a le Holodomor. Vous avez entendu parler du Holodomor ? Holodomor, ah ouais, Holodomor, c'est intéressant. Holodomor, c'est une famine qui a lieu en Ukraine pendant deux fois. Holodomor. Alors, bien sûr, il y a une discussion, est-ce que ça a été volontaire ou pas ? Les Ukrainiens, moi j'ai visité le musée du Holodomor à Kiev, où ils expliquent que notre musée, Staline n'aimait pas les Ukrainiens, et donc ils sont allés effectivement dans les villages réquisitionner le blé, etc., pour les affamer. Il y a eu 6 millions de morts. Voilà. Il y a des gens, d'autres historiens, des historiens français, qui disent non, pas du tout, c'était pas volontaire. Enfin bon, il y a eu une vraie famine, il y a eu des morts, tout ça, mais c'était pas volontaire de la part de Staline. Voilà. Ah, par contre, le Staline n'aimait pas les Ukrainiens, ça c'est possible. Mais bon, qu'il les ait affamés. Ouais, c'est pas le seul peuple qu'il a. Ouais. Oui, voilà. Qu'il a entre guillemets embêté. Hein. Il y en a combien qui ont été déportés Oui. Justement, tu as parlé des Tatars. Les Tatars, à un moment, ils les ont tous pris, ils les ont envoyés. En une nuit. Et c'est pour ça qu'en Crimée, les Tatars ne sont plus majoritaires du tout et qu'ils ont remplacé par des Russes. Par des Russes. Et d'où l'annexion récente. Ouais. Quand tu vas peut-être parler. Oui, c'est-à-dire que l'Ukraine, la Crimée, donc, est une terre Tatar, avec des noms Tatars. C'est-à-dire. Des noms turcs, quoi. Il y a des trucs qui s'appelle Eskişehir, ce qui veut dire le vieux village, enfin, c'est vraiment papa. Et en une nuit, Staline décide de déporter tout le monde, parce que vous avez la presqu'île de Crimée, qui est quand même, d'abord, stratégiquement, sur la mer Noire, c'est une avancée, c'est hyper touristique, il y a des bovins, il y a des bons vins, enfin, bon, c'est là où il y a toutes les dachas des huiles, faut dire, c'est un peu la Côte d'Azur russe, hein. Et donc, il y a le Tatarstan qui est beaucoup plus loin, à l'est de Moscou, où il y a d'autres Tatars. Et donc, Staline dit, bon, mais c'est pas grave, les Tatars, on les envoie à l'autre Tatarstan, qui est à plusieurs milliers de kilomètres. Et donc, en une nuit, ils ont des wagons en bestiaux, ouais. C'est tout le monde un wagon en bestiaux. C'est après la Deuxième Guerre mondiale ou avant qu'il y ait ça ? Dans les années 30, avant. Avant, ouais. Et ce qui s'est passé, donc, et donc ils ont peuplé avec des Russes. Alors ils n'ont pas déporté aussi, mais enfin bon, ils ont fait venir des Russes. Donc la population de Crimée qui est là, c'est des Russes. Hein, donc c'est pas des Ukrainiens. Alors bon, puisqu'on parle de la Crimée, moi j'y ai été trois fois. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment là? Puisque on peut parler de ce qui s'est passé récemment. Donc c'est des populations, ils sont Russes. La Crimée, donc était tatar, elle devient russe, et en 1954, si je me trompe, ou 64, je ne sais pas, 10 ans après, 64 je crois, c'est Khrouchtchev qui décide, on est en pleine Union soviétique, de prendre la Crimée et de la mettre en Ukraine. C'est 54 plutôt. Ah ouais, d'accord. C'est le plus amour de Staline. Voilà, ouais, d'accord. Il décide, il dit, bon, mais voilà, comme Valls a refait les régions, ils ont pu parler. Dans la Crimée, ça fait partie de la RSS Ukraine. Bon, on s'en fout, c'est l'Union soviétique. Et par contre, à l'indépendance, ils se retrouvent avec des Russes qui se retrouvent en Ukraine et qui ne sont pas contents. Enfin, moi, qui le faisait dire. C'est-à-dire, moi, j'y suis allé trois fois, je tombais sur des gens qui me disaient, mais nous, on est Russes, monsieur, on n'est pas Ukrainien, je sais pourquoi je m'en fous. Alors bon, il me disait, vous comprenez, on reçoit des papiers pour notre retraite, là, c'est tout, on n'arrive pas à le lire. Moi, au début, je disais, ouais, vous ne faites pas des efforts. Ouais. Vous faites pas. Mais bon, les mecs, des retraités aussi, ils ont 60 ans, 70 ans, bon, on comprend, c'est ça. Et la première fois que je reprends le train à Simferopol, il y avait des manifestations, mais alors, qu'est-ce qu'ils font? Bon. Et donc les gens, ils disent, ouais, on n'est pas chez nous, c'est pas ça, on n'est pas ukrainien. Et puis il y a le Maïdan. Alors le Maïdan, qu'est-ce qui s'est passé au Maïdan? C'est important. Ça, c'est mon point de vue à moi, mais bon. C'est-à-dire que l'Ukraine, dont on se retrouve, comme bien entendu, entre une partie d'échec entre les Russes et l'Occident, il y a des manifestations. Et le moment où il y a le Maïdan, il n'y a pas un Maïdan, il y a deux Maïdans. C'est-à-dire qu'il y a deux manifestations. Il y a le chef, le président qui a été élu. Donc il est pro-russe. Pro-russe. Il a été élu dans un processus que ici on appelle démocratique, c'est-à-dire avec suffrage universel. Il est élu au suffrage universel. Et ce qui se passe, c'est qu'il doit signer un accord avec l'Europe. Il dit ok, je vais le signer. Et tout d'un coup, il dit ah, maintenant je ne signe plus. Pourquoi? Pour ça, on n'a jamais su. On n'a jamais su. C'est ce fameux accord qui a été signé bien plus tard et que les Hollandais viennent de rejeter par référendum. Donc il arrête de. Il dit non, je ne signe plus. Donc là, à ce moment-là, il y a des manifestations. Il y a les gens qui vont sur la place principale, Khalech Shafik, et qui campent là, ils s'appellent Maïdan. Maïdan, ça veut dire place, ça veut pas dire. C'est pas un nom. Ça veut dire place. Et là, moi j'ai une copine ukrainienne, alors ça se passe juste avant les vacances de Noël, ça se passe à l'automne. Une copine ukrainienne qui me dit ouais, j'ai téléphoné, je vais aller à Kiev, mes copains ils m'ont dit, et je vous assure, je ne mens pas, parce que vous croyez que là, on va sur Maïdan, on touche 50 euros par jour. 50 euros par jour. J'ai dit, c'est pas possible. Si il y a à boire, à manger, il y a de la musique, tu peux dormir, 50 euros par jour. Ah ouais, c'est pas mal comme révolution spontanée. C'est ça. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait un anti-Maïdan à ce moment-là, un peu plus loin. Pareil, où les mecs qui touchaient l'argent, les moins. Il y avait à manger aussi, c'était peut-être moins bon, je ne sais pas, à faire 50 euros par jour pour manifester. Du sang, il y avait des tentes, il y avait de la nourriture, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Maïdan, qui c'est qui est au Maïdan? Il y a des gens donc qui en ont marre de la corruption, on les comprend, donc des gens, comme ça ne serait pas être nous. Ouais. Ils sont là, ils touchent de l'argent pour manifester. Ça. Mais ils vont quand même manifester. Ils vont quand même manifester. Il y a des gens qui sont. Non, mais il y a des gens sincères. Ils y vont. Ils vont pour manifester. Après, il y a des pro-européens aussi qui sont là. Ouais, non, tout ça. Et puis après, il y a des fachos. Mais des fachos. Il y a des Italiens, des mecs qui portent très vite. Alors, anecdote, sur les photos, on voit des drapeaux noirs et rouges. Et c'est les fachos qui ont repris ces couleurs-là. Donc, tu as pu le voir. Et nous, on a été en Ukraine, on a ramené les petits drapeaux. Alors, il y a une espèce de joug, un signe au milieu du drapeau. C'est un drapeau horizontal. Horizontal, c'est pas. Parce qu'en fait, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des partisans ukrainiens. Le chef s'appelait Bandura, c'est des bandouristes. Et les bandouristes, ils ont un drapeau rouge et noir, mais pas à travers. Et est-ce qu'ils ont repris les couleurs Macnovis ou ça n'a rien à voir? Je crois que ça n'a rien à voir. Et donc, et dans les bandouristes. Oui, non, je vous demandais le Maïdan principal, de quelle branche politique ils étaient et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et bien justement, c'était un mélange. Il y avait des gens qui avaient marre de la corruption. Il y avait des gens qui étaient pro-européens, qui étaient déçus parce qu'on ne signe pas cet accord-là. Et il y avait d'extrême droite, un tiers à peu près. Il y a un gros travail de la CIA. Oui, mais ça après c'était ça. L'intervention même de responsables des États-Unis qui nous poussait à la roue. Ah oui, mais c'est vrai. Et donc c'est financé par... Et donc, alors il y a des bandouristes. Donc oui, alors les bandouristes, petite parenthèse, en 1900, donc, quand c'est les partisans. Et donc eux, ils étaient anti-staliniens au début. Au cirque, c'était les années 30 Staline, il faut imaginer. Oui. Les années 30 Staline, c'était avec la famine et tout, donc c'était vraiment très dur. Et les Allemands arrivent, et eux ils se disent, putain, c'est bon, on est libérés. C'est vrai, c'est pour ça qu'il faut dire. Donc ils accueillent les Allemands, ils disent, bravo, vous nous libérez. Surtout que les Allemands, ils disent, on vient vous libérer, on va vous donner l'indépendance, tout ça, ils jouent là-dessus. Donc ces bandouristes collaborent avec les nazis, quoi. Mais ouais. Et presque, je dirais presque qu'on les comprend. Non, on ne les comprend pas, mais ils se font avoir, quoi. Parce que les Allemands, et après, ils vont se retourner contre les Allemands quand ils auront compris que c'est pas leur intérêt. Quoi. Et donc, ces bandouristes, donc, on les retrouve sur le Maïdan. Et il y a eu un maquis après 45 ans. Oui, qui ont continué à se battre contre l'armée rouge. Donc, on se retrouve avec un Maïdan avec des gentils, des fascistes, des nazis même, et des pro-européens, tout ça. Et là, reportage à la télé, reportage en France. Ils filment que les gentils. Oui. On voit que les nazis. Par contre, à la télé russe, qui c'est qui va montrer? Que les nazis. Non, mais vous voyez. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a deux propagandes, mais énormes, qui se mettent en place. C'est incroyable. Et personne n'est néo-nataire. Il n'y a pas personne. Ils nous montrent que les nazis, mais les mecs avaient des portraits d'Hitler. Et puis, voilà, c'était. Et donc, alors, vous avez l'Ukraine, avec des régions. Déjà, ils ne sont pas très chauds d'être ukrainiens. D'accord? La Crimée. Et il faut voir un truc, je ne sais pas si vous connaissez des Russes, mais ils vivent sur la Seconde Guerre mondiale, antifasciste. C'est-à-dire que leur culture à eux, c'est nous qui avons vaincu le nazisme, c'est pas les autres, ils ont raison. C'est-à-dire qu'il y a la fête de le 8 mai, c'est on a vaincu le fascisme, ils ne disent pas nazis. Et tous les films, et toutes les chansons, bon, maintenant peut-être un peu moins, c'est la patrie, nous on est la patrie de ceux qui avons sauvé l'Europe du nazisme, etc. Et donc, ils sont totalement dans cette culture-là. On les baigne là-dedans. Et puis, ils sont pas contents d'être en Ukraine. Parce que les mecs en Crimée, ils regardent pas l'été ukrainienne. Ils étaient des Russes, puisqu'ils ne comprennent pas l'ukrainien. Et on leur montre, on leur dit, regardez, il y a des nazis, et ils vont venir. Sérieux, ça vient de là. Ils vont venir, et les mecs, la trouille. Donc, propagande, c'est qu'ils se servent d'éléments pour leur faire peur. Et donc, les Criméens disent, ah ouais, non, on a peur, on prend les armes et tout, donc ils commencent un peu à se révolter et tout ça, machin. Et donc, les Russes envoient des troupes. Donc, sans insigne, sans rien, même de la lune, comme ça, machin. Et alors, pareil aussi, propagande rigolote, c'est que vous avez des images de mecs comme ça. Alors, ils ont une écharpe noire, là, ils ont le casque, ils sont comme ça. Et toi, tu te dis, wow, tout est terrible. En fait, photo dans le journal russe, t'as les familles à côté, les machins, ils se prennent en photo le soldat. Ils sont libérés. Eux, ils ont l'impression d'être libérés, ou ils le sont, et nous, on a l'impression qu'ils sont attaqués. Quoi. C'est compliqué, ça. C'est vraiment dans la propagande. Et donc, moi, j'ai mon ami qui s'appelle Yefim Zaidman. Je lui envoie un mail, moi, en disant, bon, mais qu'est-ce qui se passe, ça va? Il me répond, mais qu'est-ce que vous avez tous? Ça fait une semaine qu'on fait la fête. Parce qu'eux, ils ont été libérés. Enfin, alors, toi, ils ont... Il va y avoir quand même quelques Ukrainiens qui vont être contents. Bien sûr, mais soit ils ont été libérés, soit ils ont l'impression d'avoir été libérés. Et dans le Donbass, alors en Donbass, par contre, il y a eu des combats, c'était plus. Ça continue, enfin, où il y a. Mais dans le Donbass, c'est la région, vous voyez, c'est la région à l'est, donc ils sont russophiles, russophones. Ils regardent la télé russe, ils lisent des bouquins russes, ils ne sont pas du tout ukrainiens. Et en plus, c'est le berceau ouvrier, c'est des mineurs, quoi. Des mineurs, quoi. Donc, l'Europe ultralibérale, ils sont pas chouchous. Donc, tu allais à Gwela Ukolyi, puis après, ouais. On a changé de sujet. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as découvert? Est-ce qu'il y avait des traces de Makhno? Bien sûr, il y a un musée. Il y a un musée, alors vous rentrez, il y a le buste et tout, tout ça. Il y a une tachanka, vous savez, la. La carriole avec la. Voilà, bon, il y a des photos, etc. Et là, vous parlez avec les gens, et en fait, vous vous aperçu, c'est un peu décevant quand même, parce que bon, il est très très populaire, c'est Dieu, quoi, il est très populaire, mais il y a une récupération nationaliste. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire de Makhno plus un anarchiste, mais un leader nationaliste anti-ukrainien, anti-russe. Et alors, au Sérin Lausanne, là, donc, ils sont nos grands frères suisses, et ils ont trouvé des moutardes. Enfin, il est récupéré dans la pub, maintenant. Ah, ouais, ouais. Donc, il est très fort, donc la moutarde forte, la moutarde forte comme Makhno. Et on parle de ce pot de moutarde avec un pseudo Makhno, parce que c'est un acteur qui joue le rôle de Makhno. Ces genres de conneries existent en Ukraine, donc effectivement, tout le monde ne sait pas qu'il est anarchiste. Parce que, après, dans l'exposé que tu as fait, tu as parlé plein de choses, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'Ukraine, c'était un vrai bordel. Bon, il y a les gens diraient que c'était l'anarchie, mais non, c'était l'anarchie entre deux batailles. Autour de Gwela Ukolyi, ils ont essayé de faire le communisme libertaire quand même. Hein. Et, alors, c'est pas comme en Espagne où il y avait des zones où ils ont pu plus ou moins le faire. Là, c'était, il y avait les sans à la guerre, mais il y avait des écoles libertaires où ils utilisaient la pédagogie Ferrer, les terres étaient collectivisées, etc. Hein. C'était sur un territoire qui s'étend de le fleuve qui est à l'ouest, je sais pas, c'est Dniepr, jusqu'à je sais pas où, ça couvrait plusieurs départements français. Oui, c'était, je crois que c'était plus ou moins un cercle, enfin un disque, donc, de 100 km, donc, de 200 km de diamètre, 100 km de rayon, ça fait. Et donc il y a eu un film fait par tous, hein. Et j'ai vu que des extraits sur internet, mais bon, c'est tout en russe, j'ai du mal à. Non, c'est pas qu'est-ce qui. Bon, pareil, il y a des films de propagande qui ont été faits sous le régime soviétique où Makhno était toujours montré comme un fou furieux, et on voit sur. Un extrait, il est sur un manège, il a un flingue, il tire sur les gens, sur les gosses qui passent, et c'était. Le personnage de Makhno était montré comme ça, et depuis effectivement le 90, la chute du mur. Il commence à y avoir des ouvrages sur Makhno écrits en russe, en ukrainien, qui ont été publiés, qui sont sérieux. Et il y a eu un accès aux archives, bien sûr. Ah bah, qu'est-ce que... Il y a quelle était l'influence de Macno sur la guerre d'Espagne? Est-ce qu'il y a eu, peut-être une... Il y a des références à lui. Ouais. Il y a des références et après, donc il a rencontré des Espagnols en exil. Non. Ouais, alors, comme lien, il y a par exemple le fils de Boline dont on parlait qui a été combattre en Espagne. Donc je pense qu'il y a quelques subjects. Presque tout le monde s'est fait zigouiller, hein, de toute façon, entre les Blancs, comme il a expliqué, entre les Blancs, enfin tout le monde, il n'en restait pas beaucoup, mais il y a quand même un groupe de Russes qui sont partis en exil à Paris, parce qu'on connaît aussi un autre nom, c'est Archinov, dont on a beaucoup parlé, parce qu'il avait un projet de ce qu'il a fait, la plateforme, on appelait ça, où il voulait que le mouvement anarchiste soit plus... quelqu'un m'aide là pour dire peut-être plus structuré, plus organisé avec un qui ressemblerait un peu à un parti. Donc il y a eu des grosses polémiques dans le mouvement russe en exil. Justement, alors il y avait Macno, il était du côté d'Archinov, je crois. Et après de l'autre côté, il y avait Voline et d'autres Russes. Et alors il y en avait qui étaient pour la synthèse anarchiste, qui est un mouvement plus souple, on va dire, un mouvement plus structuré. Avec un programme. Voilà, pour résumer. Alors peut-être Renard va m'en dire un peu plus. Quand Boline a écrit son grand récit de l'anarchisme russe, la révolution en commun, c'était ici, pendant l'occupation, ici à Marseille, quand il était dans la caisse du musée gymnase. Théâtre gymnase. Oui, il tenait, comme petit boulot, il tenait la caisse. Il a écrit justement dans ces années-là la révolution en commun. Et c'était d'ailleurs un des travaux de l'international des centres de convention libertaire ici. Il y a 10 ans, il y avait une bibliothèque à Moscou qui n'avait pas cet ouvrage-là en langue russe que cet international des centres de commentaires a traduit l'œuvre de Boline en russe, retraduit en russe. D'ailleurs, je voulais un peu différencier, ce n'est pas vraiment tout un ange, Macno. Il y avait, et c'est aussi dans les histoires de Boline, par exemple, il y avait une sorte de nécessité aussi de milicia de Macnochina qui était au début, en armée des paysans, mais avec la dynamique de guerre, il y avait toujours ce problème, comment maintenir une armée de paysans, le ravitaillement et des choses comme ça. Donc il y avait aussi, bien sûr, des violences envers les paysans qui sont restés sur leurs terres pour maintenir une armée comme ça. Il y avait une description de Macno de parfois être arbitraire, de l'alcool aussi. Donc il faut pas débiter parce qu'il était diffamé par le tsar, par les blancs et les rouges et tout ça. Il faut pas dépendre une image idyllique. Ah non, mais là on a parlé des... Parce qu'il y a deux témoignages, il y a Voline et Archinov. Et Voline, il est plus critique. Déjà parce que, pour raison personnelle, il s'essaie de ne pas comprendre. Par contre, Archinov, il est super enthousiaste et ça valorise un peu le témoignage parce que justement, il est tellement, ouais, super, c'est cool. Mais effectivement, il y a eu. C'est un personnage qui est imparfait comme tout le personnage et effectivement, il s'est donné à l'alcool et c'est un gros problème. Quoi. Il y a une nouvelle de Kessel dans Les âmes pures. Magno et la juive. C'est une abomination. C'est une abomination. On a un contre-dossier ici. C'est vrai, ouais. Non, surtout que en plus pour les accusations d'antisémitisme, Magno a écrit après arriver à Paris, c'était très, très clairement. Après, c'est vrai que c'était dur dans le contexte. Mais comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment une terre de violence. Et puis là, dans un contexte, et puis avec une histoire lourde, quoi, le servage, tout ça. Et là, il y avait des règlements de compte en tout genre. Quoi. D'autant plus qu'il y a des bandes armées qui vont se faire passer pour les autres. Voilà. Donc c'est plus facile de se faire passer pour la marque d'Ostina, vu qu'ils avaient des uniformes à déballer, que pour l'armée rouge. Donc il y a aussi ce genre de. Mais effectivement, la problématique est plus compliquée à cause de Le bouquin d'Archinov, l'intérêt, c'est qu'il va dire, il va quand même parler de ce qui s'est construit, des liens entre les paysans et les ouvriers des villes. Hein. C'est quoi les villes? Elles ont changé de nom 2 ou 3 fois, mais. Ah, mais les Macnovistes ont été dans une grande. Et les Abettes, c'était quelque chose, mais qui a dû changer. Oui, c'est. Zaporoye, non, il n'y a pas aussi. Zaporoye, alors c'est. Ça s'appelait Yekaterine, voilà, quelque chose de beaucoup plus. Non, ouais. Et donc, il y a eu des rencontres entre le mouvement, le mouvement ouvrier, le mouvement paysan. Bon, après, tout ça, ça durait quelques semaines, quelques mois, et puis une autre armée arrivait, il fallait tout recommencer. Et ce qui est important quand même de dire, c'est que c'est... Tu l'as un peu dit, mais c'est quand même... Et ça, on le voit bien dans le bouquin de Gauline, c'est quand même les armées, parce que... Bon, alors après, les anarches, on n'est pas pour les armées, mais là, c'est des armées. Bon. C'est les armées anarchistes qui ont sauvé le régime bolchevique des Blancs, parce que Denikine et Wrangel marchaient vraiment sur... sur Moscou, et c'est et Makhno avait des quand même des qualités de stratège, c'est un stratège, c'était quelqu'un, un combattant qui pratiquait la guérilla, et c'est lui qui a retourné la situation alors que les armées blanches marchaient sur Moscou. Ouais. Et ça, évidemment, vous le lisez dans aucun bouquin d'histoire, hein, parce que ça, on va dire que c'est grâce aux anarches qu'ils ont été sauvés. Dans ton roman Ukraine, ouais, il y a un chapitre aussi où on sent que les anarches sont prêts à se faire acheter par les Blancs. Eh bien oui, parce qu'ils sont tout le temps en train d'hésiter. Je peux parler un peu de ça, là, de ce moment un peu charnière. Ah mais c'est sûr que c'est un débat qui est inhérent à toute révolution, que ce soit en 36 ou là, ils sont partagés, quoi. Il y en a qui disent, mais on ne va jamais y arriver, il faut s'organiser d'une façon plus classique. Il y en a qui disent, mais non, il faut garder d'abord la révolution. Enfin, c'est le vieux débat. Le vieux débat, est-ce qu'on fait la révolution et on gagne la guerre, ou est-ce qu'on gagne la guerre et on fait la révolution? Ça, c'est terrible. Et ça, on ne peut pas y échapper. Quoi. On ne peut pas y échapper. Alors, moi, j'ai essayé. Alors, écrire un roman, c'est un peu délicat parce qu'on fait ce qu'on veut, du coup. Voilà. Alors, j'ai essayé d'être un peu objectif. Par exemple, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a deux personnages, on va dire communistes. Hein. Il y en a un sympa, il y en a un pas sympa. Voilà. On ne peut pas prendre un personnage, dire voilà, c'est un commissaire du peuple, il est horrible, il est méchant. Ça ne veut rien dire, quoi. Donc voilà, il y en a deux, il y en a un qui est sympa, puis il y en avait un qui était pas sympa, donc c'est un peu délicat. Comment retranscrire sans donner son avis Bon, je ne suis pas arrivé, mais j'ai essayé. Donc raconte un peu la trame du bouquin. Alors l'histoire, ouais, l'histoire c'est à partir de... c'est un journaliste quoi. C'est un journaliste anglais, alors pourquoi c'est un journaliste anglais, je ne sais pas. c'est le journaliste anglais, c'est un peu le public qui va découvrir que la situation est beaucoup plus... compliqué que ça, quoi. Et donc, il est envoyé un peu en Ukraine, en pleine révolution, un peu par hasard, parce que, en fait, celui qui... le correspondant, là, on a retrouvé un petit morceau, donc, en fait, se fait avoir, parce que c'est le petit jeune, il arrive au journal, c'est le Tarich, hein, et puis on l'envoie, correspondant de guerre, alors qu'en fait, il n'a pas du tout les capacités, mais bon, il a besoin de quelqu'un, et puis comme personne ne veut y aller, c'est lui. Et lui, il croit que c'est une promotion, parce que le mec, il lui dit, ouais, vous allez voir, c'est une promo, super. Et donc, il arrive là, et puis il arrive, il est témoin de la situation, tout simplement. Quoi. Il est témoin de la situation, il fait un petit tour dans la région, et puis il compte les... Bon, il y a une petite histoire d'amour. Mais tu as travaillé à partir d'archives, ou c'est beaucoup dans une part fictionnelle, où tu as inventé les faits? Ah ben non, les faits historiques, c'est des vrais, je ne pouvais pas m'écarter, quoi. C'est des vrais, il y a la bataille de machin, je ne me souviens plus, le nombre, elle a existé, elle s'est passée comme ça, voilà, il restait quand même voilà. du truc, quoi. Et après, bon, après, il y a ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut ajouter des trucs romanesques sur la Russie, on peut dans tout, quoi. Donc, des trucs de personnages de fiction qui font, voilà, quoi. Là, il manque un film, un grand spectacle sur l'épopée de Makhno. Ça ferait, avec les paysages, les grandes étendues, ça ferait un super film. Ouais. Bon, ça ferait polémique, mais... Ouais. Après, ça, tout dépend qui fait le film. Mais, sinon, il y a eu un film, je ne crois pas qu'on le trouve en entier sur le net, c'est Hélène Châtelain. Qui avait été en Ukraine juste quand la chute du mur, tout ça, et peut-être avant que l'Ukraine soit indépendante, elle avait été à Goulaï-Polier, et c'est un très très beau documentaire, hein, c'est un très beau film, ça. S'il y a quelque chose à regarder, c'est celui-là. Je crois qu'on peut le voir, parce qu'il est basé sur Arte. Donc. Alors il est peut-être en ligne, j'ai pas vérifié, c'est possible qu'il y soit. Hélène Châtelain. On nous confirme. Une version de 50 minutes, après, je sais pas combien il fait. C'était ça, ouais. Alors nous, elle nous l'avait présenté, elle n'avait pas encore fini, elle nous avait présenté les roches, elle avait au Tourski, les premières nuits de l'anarchie dans les années 90. Ouais. Et après, oui, il y a une version télé comme ça, mais bien sûr qu'elle a beaucoup plus de matériel, hein, parce que... Et elle avait trouvé des gens, et justement, elle interviewait les Ukrainiens, et qu'est-ce que vous savez sur Makhno, et c'est un peu ce que tu disais, c'est pas trop, enfin, c'était vraiment le héros populaire, peut-être un peu le Robin des Bois, parce que je crois qu'en Ukraine, en réalité, il y a des personnages de Robin des Bois, il y en a dans la partie occidentale, dans les montagnes, dans les Carpates, il y en a eu, et donc, bon, c'est ces gens qui se battent contre le pouvoir, pour les pauvres, enfin, pour les oppressés. Il y en a en Pologne, dans les montagnes. En Roumanie aussi. En Roumanie, oui, mais les Haïdouks. Les Haïdouks, en Sardaigne. Oui, je prends trois jours. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? N'hésitez pas. Oui, le sujet est vaste. Ouais. En fait, quel rapport ils avaient avec la population? Est-ce que justement, il y avait cet élan un peu romantique pour la Sardaigne? On n'en sait pas beaucoup, mais je crois qu'ils vivaient sur le dos de la population, je crois. Ouais. Donc, ils n'étaient pas ressentis comme des bandits à la voiture. Non. Ils n'avaient pas d'idéologie en plus, ils n'avaient pas une idéologie particulière. Donc, Non, mais ça, c'est pas grave, si dans les actes, pour redistribuer. Bien sûr, c'est une époque antérieure, mais il faut voir les chevaux de feu de Paradjanov. Ça se passe. Alors, c'est un peuple qui s'appelle les Utsul, qui est proche c'est proche de la langue ukrainienne, mais c'est dans les Carpates. Et là, il y a des bandits d'honneur où c'est une histoire de mariage, je ne sais plus, de vendetta, etc. Mais bon, enfin, c'est un pays quand même qui. Bon, c'est pas le seul, mais des guerres, ils en ont eu quand même. Massacres et tout ça. Juste un petit éclaircissement. Tu as parlé de pédagogie Ferrer. Francisco Ferrer, c'est un catalan, enfin aujourd'hui on dirait catalan, à l'époque c'était espagnol, et qui il est mort en 1909, mais dans les années qui ont précédé, il a essayé de monter une école à tendance libertaire pour les enfants, pour contrer l'école dominante qui était tenue par les religieux. Donc, c'est des écoles, bon, maintenant, ça paraît très banal, mais il y avait la mixité, des choses comme ça, et puis ça ressemblerait un peu à ce qu'a fait Freinet par la suite. Freinet s'est inspiré de ce genre de pédagogie. Et donc, il a été, en 1909, à Barcelone, il y a eu des émeutes, parce que l'Espagne a déclaré, il y avait des guerres au Maroc, et il y a eu une mobilisation et des ouvriers ont refusé de partir à la guerre, et il y a eu surtout à Barcelone des émeutes terribles, et dans ces cas-là, là, en Espagne, c'est on brûle les églises, les couvents, parce qu'il y en a vraiment marre. Enfin, ça, faut le comprendre, il y a peut-être eu des curés qui sont fait tuer, qui méritaient peut-être pas d'être tués, et puis c'est pas bien la violence, comme on dirait notre ami non violent, mais bon, là, je crois qu'il y a un contexte historique avec un poids de la religion qui est terrible et qui impose sa loi. Et donc le peuple de Barcelone s'est soulevé et a mis à brûler des églises. Et il a fallu un bouc émissaire. Et ils ont arrêté Ferrer, qui n'était même pas à Barcelone au moment des émeutes, puisqu'il vivait dans une petite ville de la lointaine banlieue de Barcelone. Et il a été... Je crois même qu'il était à Paris à ce moment-là. Je ne sais plus la ville exacte, mais il n'était pas sur les lieux des émeutes. Donc ils l'ont arrêté, il y a eu un procès expéditif, il a été fusillé dans les fossés de Montruch, où on fusillait les anarchistes, les opposants. Et il a été relativement connu parce que il avait vécu en France, donc beaucoup de gens le soutenaient, je crois qu'il était franc-maçon aussi, donc il avait quand même un réseau de sympathie assez large. Et quand il a été exécuté, il y a eu des émeutes dans toute l'Europe, hein, à Paris, en Belgique, en Allemagne, il y a eu partout des manifestations monstres. Et surtout dans le sud de la France, il y a beaucoup de communes qui ont baptisé des rues Ferrer. Rues qui ont souvent, alors ça c'est aussi dans l'histoire, c'est marrant, c'est sous Pétain, elles ont été débaptisées. Alors notamment à Istres, il y a une rue Ferrer, c'était la rue de l'église. À la suite de l'exécution, la mairie de. Alors c'était des radicaux socialistes ou des socialistes, mais pour dire que Ferrer avait quand même une aura, ils avaient appelé la rue de l'église rue Ferrer. Sous Pétain, on l'a remis rue de l'église, et à la libération. Ils l'ont remis au Ferrer. Ouais. Et donc, ce personnage, il y a une statue de Ferrer. Alors, je ne sais pas s'il avait vécu en Belgique, mais il y a un parc avec une statue de Ferrer à Bruxelles aussi. Et bon, il a, c'est vraiment l'inspirateur de pédagogie comme Freinet, ça c'est évident, hein, qu'il y a une continuité. Donc, effectivement, quand on lit Voline ou Warchinov, il parle de pédagogie Ferrer, les instincts qu'ils faisaient à l'école aux gamins dans la zone de Macron. Merci. Merci. Question. Ah, dans l'histoire, il y a quand même quelque chose de curieux, c'est qu'Archinov, il repart en URSS alors que... Ah oui. Ah ouais. Et il meurt dans un camp au Goulag. C'est quand même curieux, quoi. Ce choix de dire c'est quand même une révolution communiste. Il y a eu des agents qui sont venus de l'Union soviétique en Occident pour récupérer des Russes, alors qu'ils ont revenu au René. Comme il y a eu même après des Polonais en France qui étaient après la guerre, et ils sont un peu partis en Pologne. Les Arméniens aussi, sur Marseille, qui sont partis. C'était des agents de Provence qui venaient leur expliquer. C'est le plus beau pays du monde. Oui, mais sauf qu'Archidor, lui-même, il a pas vécu concrètement. Les mecs qui changent d'avis. La question de l'armée rouge et de Trotsky, quand même. C'est pas quelqu'un qui... Et oui, mais leur avait dit ça, ils ont dû lui dire, oh, mais ça, Trotsky, ça y est, on l'a éliminé, on a changé. Tu imagines, il y a deux ans. Je pense qu'il s'est... Non. J'essaie d'imaginer, quoi, ils ont dû lui dire... Et oui, parce qu'il y avait Trotsky, qui était donc le chef de la répression. Alors, c'est une des raisons de l'inimitié qui dure toujours entre Trotsky et l'anarchie, ça remonte à cette époque. Il y a la répression de Kronstadt, les marins de Kronstadt, et la répression de la Makhnovchina, parce que Trotsky était le chef de l'armée rouge. Donc après, les Trotskistes ont subi le stalinisme et on l'a payé de leur vie, hein, un certain nombre, mais à l'époque, ils ont fait la même chose que ce qu'auraient fait les staliniens plus tard, quoi, hein. Alors bon, il y a dans les mouvements trotskistes, ça discute pas mal, hein, quelqu'un comme Besancenot, en fait, on dit que c'était pas bien, qu'ils reconnaissent un peu que, enfin, ils sont plus à fond dans l'image de Trotsky, comme ça. Mais pas tous. Et c'est pas toujours facile de discuter avec eux. Au début, tu as parlé de traité mathématique en Occident, qui serait très ancien. Ouais. Moi, je connais le compendio de la Macro, 15e siècle. C'est un super ancien. C'est le premier livre imprimé en Occident. C'est la Bible. On est Bible. C'est la Bible. En Occident. C'est la Bible. La Bible des mots de moi. Je crois que c'est le premier livre imprimé. Avant, il y avait des textes manuscrits. Oui, voilà. Parce que, je ne sais pas si je l'ai dit là, où il y avait un ministre qui disait C'est ça. Je voulais savoir si c'était bien le coupé. Oui, c'est ça. Il y a la barque où je me suis dit. C'est ça. Ça a été réédité en 1978. Ouais. Donc, j'ai la maison. Ah, oui. Oui. Quelle était la situation et le sort des espérantistes à l'URSS? Ah, c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué parce qu'officiellement, je crois que l'Union soviétique était favorable à l'espéranto, en tant que pays internationaliste, etc. Mais moi, j'ai connu des Russes, hein, qui m'ont dit que pas sous Staline, enfin, dans les dernières années de Staline, c'était embêté. On les convoquait, on n'hésitait pas au goulag ni rien, mais on les convoquait au commissariat, on leur expliquait que... Pourquoi ? Parce qu'on avait des relations avec des étrangers, voilà. Et puis Zamenhof était juif, donc c'était... Zamenhof était juif, donc c'était pas très bien vu de Russes antisémites. Oui, je pense. Ben, c'est-à-dire que ils étaient internationalistes sur le papier, mais ils n'étaient pas pour de vrai. En vrai, ils n'étaient pas à l'Union soviétique. Surtout dans les années 50, etc. Donc, ce qu'ils craignaient, c'était des rapports internationaux entre des gens directement, par des lettres et tout. Donc, ils essayaient un peu de... Je pose cette question parce que, mettons, les Polonais qui avaient joué la révolution bolchevique, communiste, parce que... Staline les a presque tous fait éliminer. Oui. Parce que justement, il les voyait comme des espions, des agents de l'étranger. Donc il les a tous, alors que c'était parti. Il y a cette citation de Staline, les espions parlent d'espionner. Ah oui, c'est vrai. Mais il faut dire aussi que le responsable de l'UEA a dit la PENA était liée à la CIA. Ah ouais, tu l'avons su avec un livre de journaliste du New York Times qui ont été dans les archives de la CIA, les archives ouvertes de la CIA, ouais, et il a donné des noms comme Dumollet, comme etc. Et donc la PENA. Alors la PENA, moi je suppose qu'il devait donner des adresses d'espérantistes en URSS pour essayer d'entrer en contact. Et bien sûr, le contre-espionnage soviétique ont été au courant dès le début que la PENA était en train de jouer un rôle inadmissible pour eux. Alors ça explique aussi pourquoi les espérantistes en URSS ont eu des ennuis à ces périodes-là. Il y a un livre qui s'appelle La Dangera Lingua, la langue dangereuse, alors je ne sais pas lui, mais qui parle de ça, hein, vous pouvez pas parler. Je l'ai lu aussi. Ouais, entièrement. Voilà. Bon, après, est-ce qu'il y a eu une répression sanglante? Non, mais des ennuis, quoi. Des ennuis administratifs, des fracasseries. Bah, on ne peut pas trop savoir, il y en a qui ont été envoyés au Goulag. Comment ils ont terminé, on sait. Ouais. Même en 1990, on est allé avec des copains en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, et là, avec lui, il y avait un copain de Saint-Amicaro qui avait des contacts avec un espérantiste militant tchèque, et je me rappelle qu'on a eu du mal à le rencontrer parce qu'il était surveillé par la police. Alors qu'il s'était libéré déjà, enfin c'était tout récent, mais déjà en 90, il était... Et nous on a eu, alors en 89, on va en République tchèque aussi, enfin Tchécoslovaquie, et on s'est dit on va rencontrer des espérantistes de la ville qui s'appelle, alors ils font des, c'est un nom compliqué, où ils font des voitures, enfin bon, des voitures. Et donc on prend contact avec les espérantistes là-bas. Et on voit arriver donc un espérantiste qui nous parle en espéranto. Et il dit, la présidente va arriver, donc une femme arrive et dit, voilà, la présidente. Bon, la présidente ne parle pas un mot d'espéranto. Ah bon, c'est des assos secondes. C'est le contrôle. Et après, on va vous montrer notre local. Alors, en général, nous, on faisait, vous connaissez tous les espérantistes, quand ils vont visiter un local, il y a des étoiles vertes, des machins. Et là, c'était rouge, il y avait des nids. Voilà notre local. Donc, c'était une technique aussi, là, c'était carrément policier. Et donc la présidente, elle nous expliquait en tchèque, notre local, et donc elle traduisait l'espéranto, c'était fou. Tu avais d'autres questions, vas-y. Moi, ce qui est par rapport concrètement, parce que vous avez parlé des écoles, je sais qu'il y a eu des expropriations de propriétaires, où après ils ont redonné aux propriétaires la quantité de terre qu'un homme peut cultiver tout seul sans salarié. Et je veux savoir, est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets, en fait, de ce qu'on pourrait appeler... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des communes libertaires sous la Makhnovitchina et que comment ça fonctionnait? Est-ce que, voilà, c'était que des assemblées de paysans et ils organisaient la production? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y en a... C'était agraire, donc c'était un partage de terre et un partage de tâches suivant la surface, exactement comme ça, quoi. Parce qu'il n'y avait pas d'industrie, il y avait pas, dans cette région-là, il n'y avait pas eu de peu d'industrie, donc c'était... Tu peux en parler? Non, mais c'est Archineuf le raconte. C'était des communes libertaires, des vraies communes. Qui ont donc été effectives Entre deux batailles, quoi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils n'arrêtaient pas, il y avait les Blancs qui passaient, les Rouges qui repassaient, à chaque fois la collectivité était détruite. Hein. Mais il y avait quand même l'expérience des C'est l'émir, là. C'est l'émir, oui, voilà. Donc, l'expérience de ça, ils ne sont pas partis sur un truc idéologique, partis sur une pratique ancestrale. Il y a nécessité. Hein. En Savoie, il y a encore quelques années, les gens, ils faisaient les... autour du village, il y avait un tiers des terres. Cette année-là, c'était le blé. L'autre année, c'était le foin. Et puis l'autre année, c'était les légumes. Mm-hmm. Et tout le village tournait comme ça. Ah, alors que, on nous a lu à Méridel, ils sont pas tellement révolutionnaires. Alors, il y a un bouquin, sur Nestor, là, je vais vous parler un petit peu des bouquins, en fait, parenthèse. Il y a ceux de la médiathèque, donc à lire. Alors, malheureusement, le Alexandre Skirda, Nestor Makhno est actuellement épuisé. Alexandre Skirda est d'origine russe et il a fait vraiment un gros boulot sur Makhno. Les deux bouquins, c'est Volyne, la révolution inconnue, dont vous avez parlé, Archinov, la Makhnovchina. Alors ça, on en a quelques exemplaires disponibles. Et puis je voulais vous parler, donc c'est un BD, c'est un copain qui s'est lancé dans une BD gigantesque sur la, l'épopée de Macno. Donc il en est à 2 albums, il en a prévu 6. Pour l'instant, ça, alors, vous êtes polyglotte, ça ne vous dérange pas, c'est en italien. Et l'édition française ne paraîtra que quand l'édition est, quand il aura fini complètement de publier en Italie. Donc il s'appelle Jean-Pierre Ducret, c'est un autre, il est dessinateur, enfin, ceux du Cyral connaissent, c'est celui qui a fait la, l'enseigne qui est au-dessus de la porte. Donc c'est un boulot, il était dessinateur industriel et s'est lancé dans la BD. Donc c'est des planches qu'il fait et qu'il redéfait depuis des années, donc ça, il est perfectionniste. Et bon, il a sa patte, mais alors il s'inspire de beaucoup d'affiches de l'époque. Et en le feuilletant, on reconnaît des affiches du mouvement comme le constructivisme. Bon, c'est un boulot qui est, bon, c'est pas linéaire, ça raconte pas, il s'est passé ça, comme ça, il y a des flashbacks, il parle de, il y a des digressions sur Emma Goldman, sur d'autres personnages. C'est quelque chose que je vous recommande, et puis y a, en France, il n'y a que nous qui l'avons. Donc le tome 1 est pratiquement épuisé. S'il y a une possibilité de l'avoir en ligne, de l'acheter en ligne, d'avoir une version numérique. Et c'est un boulot bon, qui est en cours là. Donc, il sort un volume tous les 2 ans, donc il y en a encore pour quelques années. Et c'est un boulot remarquable et que je vous conseille de regarder. Après, vous pouvez jeter un œil si vous n'avez pas de. L'acheter, mais on a quelques exemplaires. Et puis ici, on a retrouvé. Alors ça, c'est aussi, c'est, je pense que c'est un personnage un peu mythique qui s'appelait Maria Nikiforova. Je ne sais pas si tu connais. Alors ça, c'est, on a retrouvé. Enfin, c'était quelqu'un qui était dans l'armée macnoviste. Et c'est une femme. Et c'est, on connaît un peu son histoire parce qu'à la fin, elle s'est fait prendre et elle a été fusillée par les blancs. Et ça, c'est des, c'est, ça a été traduit du russe. C'est quelqu'un qui connaissait le russe qui a fait le bouquin. C'est assez récent, c'est assez original ça. Sinon, le livre en occitan a été primé, il a reçu le prix Jean-Ouvrel Brudel. Je peux vous lire dans le carton au-dessus. Oui, oui, Jean-Ouvrel Brudel. Paul Froment. Paul Froment, oui. Paul Froment, qui est un paysan poète. Donc, tu as eu le prix Paul Froment. Oui, oui. Jean-Paul Brudel, c'est le film. Il a suivi. C'est pour voir si vous suivez. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent le Gaston. Eh bien, je ne sais pas, oui, je pense. C'est pour ça qu'il faudrait les enseigner à l'école. Les calendrettes. D'autres questions? Vous savez, oui. J'ai lu une fois que Kazakh serait en fait le même peuple que les Cosaques. Alors, ben, c'est-à-dire que le mot, tout ce que je sais, c'est que le mot Cosaque vient du Tatar. Donc le Tatar, enfin le Tatar, c'est un peuple turcoïde, on va dire, de la famille des Turcs, qui parle une langue turque. Et les Kazakhs aussi. Ouais, vous voyez la Turquie? La Turquie, la langue turque et les langues qui est de la famille du turc, avec l'ouzbek, le kazakh, etc., ça va jusqu'à la Chine. Ouais, c'est rien, jusqu'au Ouïghour. Et donc, kozak, kazakh, effectivement, il doit y avoir une étymologie commune. Alors, par contre, mais les kozaks, il faut être clair, c'est pas un peuple. Hein. Ah, c'est pas un peuple, c'est des gens qui refusaient le servage, donc ils peuvent être. Mais oui, mais les kazaks sont un peuple et le mot est. Les kazaks, oui, mais les kozaks ne sont pas. Après le mot. Sachant que le mot veut dire homme libre ou vagabond, ça veut dire qu'il y a un peuple. Oui, je crois que tu as le même. Oui, il avait du camp encore. Alors, il est mort, en quelle année Alors, il était à Paris en exil, la date exacte, on va le retrouver, mais c'est dans les années 20, hein, c'est avant 1930, je crois. Et donc, il a effectivement bossé à Renault, et alors, il y avait, non seul, il avait contacté la tuberculose dans les nombreuses années de prison qu'il avait fait très jeune, et il est mort relativement jeune, parce que s'il avait 14 ans en 1905, ça lui fait 30, ouais, à moi, 40 et quelques années, il est mort. Hein. Et on voit les photos, c'est quelqu'un quand même. Alors, il avait des cicatrices de partout, hein, parce qu'il avait coup de sabre, parce qu'il était en première ligne, hein, c'était pas le général qui était à l'arrière des combattants. Hein. et dans les récits. Les récits d'Archinov ou de Voline, c'est assez dingue parce que on a l'impression de lire, de voir un film comme ça, une épopée. Avec, et c'était vraiment. Le sur, ah oui, ça tu l'as pas dit, le surnommé Batko. Oui, j'allais le dire. Alors Batko, c'est petit frère pour papa. Un ukrainien, et c'est vraiment dans la. C'était Batko Magno. C'est vraiment dans la culture cosaque. C'est sûrement cosaque, 100%. Celui qui va guider, il a fait le père. Quelqu'un de très populaire, et bon, il a fini, alors après, c'était les exilés, il a une vie très active, bon, ça a duré ses combats de 14 à 21, donc cette année de vie hyper remplie, puis après, l'exil, les divisions de l'exil, parce que j'ai dit, il y avait ces deux tendances anarchistes, et puis vraiment, ça a été assez chaud, hein. Parce que je me demande s'il n'en est pas aux mains entre tendances, parce que ça, c'était vraiment très chaud, et puis. Bon, et puis après, Renard t'a dit, problème de tuberculose plus alcool, c'est pas très bon. C'est une thèse. C'est une thèse. La tendance plateformiste qu'on a dit, avec maintenant on faisait partie Archinov, et la tendance synthésiste de Voline. Voline et d'autres Russes dont je n'ai pas les noms. Est-ce qu'il y avait quand même une différence entre ces révolutionnaires russes de Saint-Pétersbourg comme Voline, qui était décidataire, qui arrivaient en Ukraine, et les paysans, ça ne marchait pas toujours. Hein. Même au niveau. Ils n'avaient pas tout la même culture, ils n'avaient pas tout la même vision. Donc c'était assez difficile la cohabitation. Hein, entre des visions différentes, parce que l'expérience, c'est ça. Oui, là, on vous a sorti, donc là, vous avez des livres de la bibliothèque donc, qui sont à consulter sur Macno. Rigole, tu vas pouvoir là ici. Hein. Je veux leur dire. Notre camarade qui nous a sorti les livres de la bibliothèque qui parlent de l'espéranto, dont un de René Triol, que vous connaissez, et qui anime donc ses cours d'espéranto au local ici. Et comme on a aussi des enregistrements, il y a la Magnovchina qui vous attend. Tu peux envoyer ? J'ai pas l'impression que. Non, plus. Ça reparle. Oui, mais en plus, il est où? Il est là. L'autre là. Mais là, on va le recliquer. C'est. Où c'est que je le vois plus? Voilà, il est là, voilà. Ils ont dû finir, exécuter plus tard. Il y a des actualités russes là-dessus. Alors, ils sortent de prison, ils vont à l'enterrement de Kropotkin, et à la fin, l'armée rouge les reprend, ils sont tous en prison, ils ont presque tous été liquidés. Donc il faut voir, vous faites obsèque, vous allez sur des YouTube ou de ces machins-là, recherche vidéo sur Google, faites obsèque de Kropotkin, c'est un film d'actualité qui remarque. C'est impressionnant, la foule qui a. Et il y a des drapeaux noirs, alors que là, on est en pleine dictature. Il était en pleine dictature. Là, c'est ce nom-là qui est le genre de parti. Mais la rencontre Macron Kropotkin, j'ai aucun souvenir. Une question sur la chanson pour en finir avec le travail de Magnov Chinov. C'est une chanson qui était chantée pendant la Révolution, qui est venue après. Non, c'est des paroles, je crois que c'est Rodagil. Ouais, Rodagil, c'est celui qui travaillait avec. Avec les situationnistes, avec Van Egem. Donc ils ont fait un disque qui s'appelle Pour en finir avec le travail. Et je crois que l'air, par contre, est un air traditionnel. Oui. C'est un air traditionnel, mais les paroles sont des années post-68. C'est le texte russe, c'est Partisan. Partisan, cool. C'est le chant des partisans transformés. Et c'est Partisan, couvert de gloire. Il le chante, d'accord, l'armée rouge chante en français des fois. Et largement, ils chantent Partisan, couvert de gloire. La. Mais bon, ce sont les partisans de l'armée rouge. Et Rodagil, qui est un fils d'immigré catalan. Oui, voilà. Qui est mort il y a quelques années. Alors, je crois qu'elle voulait nous passer l'enregistrement. Il est là-bas. Allez, elle nous chante. Tu aurais une chose plaise. Ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang. Et là, les troupes ukrainiennes, elles n'ont pas bougé, elles étaient... Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'ils ont eu peur, parce qu'ils sont déjà arrivés avec très déterminés et nombreux, quoi, je crois. C'était pas le même matériel, j'en ai dit, ouais. Je crois qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas bougé, ils ont attendu les ordres, à mon avis, et les ordres ne sont pas venus, parce que les ordres, ils n'avaient pas quoi faire. Ils ont dû être pris de... Moi, j'ai vu qu'ils étaient encerclés, ils étaient en nombre vraiment inférieur. Ils se sont dit que s'ils se défendaient, qu'ils allaient se faire massacrer. Que... Il y a eu des pourparlers, je crois. Ils se sont discutés, ils sont sortis. Ils ont dit qu'est-ce que vous faites. Parce qu'apparemment, ça discutait dans les casernes. Et l'armée ukrainienne est très mal équipée. Apparemment, c'est, quand on lit les témoignages, c'est la catastrophe. Enfin, pas la catastrophe. Vous n'êtes pas sûr qu'il faut être dur sur place. Donc, je pense qu'ils ont dû les coincer un peu stratégiquement. Je vais leur dire bon, mais on vous laisse la vie sauve si vous partez. C'est ça, ils sont de vitesse. Et actuellement, le mouvement nationaliste nazi ukrainien, ils sont plutôt dans la partie ouest contre la Pologne. Alors traditionnellement, oui. C'est-à-dire que bon, ces nazis-là, ils ont eu quand même, après le Maïdan, donc le président est parti. En plus, il faut bien dire que alors les Russes, ils voient arriver, les russophones, ils voient à la télé des nazis. Le président qui est élu démocratiquement, il voulait s'enfuir, c'est un putsch, quoi. C'est un coup d'État nazi, quoi. Donc, vraiment, ils ont eu très peur. Et donc, ils forment un gouvernement où il y a 30% de néo-nazis dans le gouvernement. Parce qu'ils avaient 30% sur le terrain. Et après, aux élections, ils ont pas eu aucun député. Quelques personnes. Oui, quelques. C'est ça. Voilà, ils ont tout terminé. Et ce qui est intéressant, quoi, c'est intéressant sociologiquement, mais même c'est intéressant politiquement, c'est qu'il est parti d'Europe, de pays européens, des communistes et des anarchistes se battre quand il y a eu Maïdan. Ouais. Alors, il y en avait qui étaient dans le camp des Russes et il y en avait qui étaient dans le camp des Ukrainiens. Et pour l'extrême droite, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens d'extrême droite qui sont partis dans le camp ukrainien, dans le camp russe. C'est une complexité. Il y a eu une complexité idéologique à ce moment-là qui a été. Des anarchistes ukrainiens, tu en as rencontré? Non. Même à Poulain-Poulé, il n'y a pas de. Non, mais il existe des groupes, mais dans les grandes villes, je pense à Kiev. Ça, c'est la carte de. Il y a un copain qui a des toses. C'est une fausse carte. Il y a celui qui est sur la vitrine, là. Il y a quelques libertaires qui sont en prison, là, que les Russes ont arrêtés, soi-disant pour complicité avec les fascistes et tout, et qu'ils ont emmenés en prison en Russie. Ils ont arrêté deux ou trois cinéastes, et Yuri Korchenko, là, celui qui est sur la vitrine. Il faut dire que les repères qu'on discute. C'est la même chose. Oui. Excuse-moi, je ne vous ai pas fait mal tout à l'heure. Il y a ce personnage, là, Yulia Tymoshenko. Là, il y avait, avant Maïdan, il y avait une révolution de elle s'était fait élire. Alors, nous, on a pas été en. Et après, elle s'est retrouvée en tôle pour corruption, je ne sais pas quoi. Et apparemment, elle ressort, là, pour la campagne électorale. Et là, j'ai ramené du. Quand elle était en Ukraine, elle avait. Une reproduction de sa carte d'identité en soutien parce qu'elle est morte. Mais l'enjeu, c'est quoi là? C'est que les Américains veulent mettre des missiles en Ukraine. Oui, bien sûr. C'est l'OTAN et l'Union Européenne. L'Union Européenne qui veut mettre. Et la Russie a décidé que l'OTAN et l'Union Européenne n'arriveraient pas en Ukraine. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. C'est le petit Roland de guerre froide, la connasse. Oui, tout à fait. Comme durant la révolution orange, c'est même pas en les Américains ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas, mais ils l'ont répété mille fois, qu'ils ne voulaient pas mettre l'OTAN, qu'ils n'accepteraient pas l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et bon, les repères politiques, je connais bien la Pologne, et moi, les repères politiques comparés à d'autres, c'est plus tous les mêmes, quoi. Quand le communisme est tombé en Pologne, ils leur ont donné ce qu'on appelle un paquet, un packaging, là. Ils leur ont dit, bon, mais la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est le libéralisme, c'est le machin. Ils ont accepté déjà de trucs incroyables, hein. Puisque ça faisait partie, c'était ça ou rien, quoi. Et on leur a dit, c'est... Vous savez qu'il y a l'école de Chicago, ce qu'on appelle l'école de Chicago. C'est des gens, des ultra-libéralistes, des extrémistes libéraux de Chicago. Ils sont partis en Pologne, parce que c'était le troisième pays qui s'offrait à eux, et ils leur ont dit, bon, maintenant, on va vous expliquer comment il faut faire. Et donc, il y a eu une peur. Alors, c'est un peu calmé en Pologne, mais les femmes, elles pouvaient pas être tombées enceintes, elles se faisaient virer du travail, et ça a été la panique pendant plusieurs années, quoi. parce qu'ils leur ont dit, bon, mais voilà, vous avez le communisme, c'est fini, vous voulez la liberté, alors voilà, le libertaire vous explique, c'est ça. Et les trucs... Et le retour de bâton nationaliste qui est actuellement en Europe centrale, c'est ça, hein? Ben, c'est une méfiance, alors une méfiance vis-à-vis de l'Europe. Parce que aussi, ils mélangent tout, parce qu'ils ont l'impression que l'Europe, c'est l'ultralibéralisme, ce qui n'est pas faux non plus. Et alors, je sais que la Pologne, ils ont voté pour un gouvernement un peu bizarre, mais il faut voir aussi qui c'est qu'ils avaient avant, quoi. C'est ça. Ils ont eu une réaction envers... C'est des ultralibéraux avant, hein. Des ultralibéraux, pareil, c'est des gens qui disent l'Europe, c'est 100% bien, c'est génial et tout, puis les gens, ils s'aperçoivent que c'est pas vrai. Donc, soit ils s'abstiennent, et puis il y en a d'autres qui disent, mais regardez, ils vous mentent, tout ça. Et puis ils arrivent surtout en disant, mais nous, c'est la retraite à 62, nous, on repasse à 60 ans. Ben ouais. Et oui, donc, bon, ils l'ont pas fait encore, ils l'ont promis, quoi. J'ai jamais mis les pieds à une crème, mais jamais une petite vision à travers des gamins qu'on a reçus, comme par exemple Noé, qui étaient des enfants de la région de Tchernobyl, qui venaient se faire une santé ici à travers, avec une association. Et là, je me suis rendu compte de deux choses sur ce pays. C'est que, d'une part, ces gamins dont les familles étaient, disons, politiquement, sous l'égide politique, du côté indépendantiste ukrainien, nationaliste ukrainien, ils étaient quand même héritiers de toute la culture soviétique auparavant qu'ils avaient, quoi. C'est-à-dire nationalisme effréné, une idéologie militariste, le culte du sport, du corps, tout ça, ils sont vraiment, vraiment pris là-dessus. D'ailleurs, on a reçu des photos, là, on les a gueulés, parce qu'ils nous ont envoyé dernièrement des photos où ils étaient avec des kalachnikovs à la main, les militaires, puis une abomination. Voilà, que je me suis rendu compte de ça, que, y compris chez les gens qui se disent indépendantistes, il y a cet héritage, quoi, idéologique, et ils marchent droit, quoi. Et d'ailleurs, ils se sentent menacés aussi, et agressés. Non, mais dans leur culture oui, profondément, oui. Ils arrivent de là, quoi. Et d'ailleurs, le plus grand, le seul bouquet qu'ils avaient eu, c'était la Bible. Il a fallu que l'on rachète des bouquets ici, on n'a pas trouvé en ukrainien, on en a trouvé en russe, ils savaient lire le russe, on leur a acheté les classiques russes pour qu'ils lisent un peu. Donc, à la fois de ça, puis je me suis rendu compte aussi de l'extrême misère dans laquelle ce pays a été laissé. C'est une abomination. Mais tu passes là. Par exemple, on a récupéré des lits qui étaient jetés dans des cliniques et tout. On les a récupérés pour envoyer là-bas dans les hôpitaux à Kiev, hein, pas des partout, c'est arrivé à Kiev, quoi. Et pour eux, c'était le dernier cri des lits médicalisés. Je crois que culturellement aussi, il y a un élément qu'on vous souhaite de savoir, c'est que c'est la Russie et l'Ukraine, c'est des pays quand même violents. Les rapports sont violents. Le rapport de l'État sur les gens, c'est hyper violent. Et les gens entre eux, ils sont violents. Alors, autant ils sont adorables quand c'est des amis, vous avez passé, tout le monde les connaît. Ils ont un cœur comme ça. Mais les rapports sociaux des gens dans la rue, c'est spécial. Hein. Vous descendez, vous marchez dans la rue, il y a un bus qui descend, ils vous renversent. Même les mamies, tout le monde. Dans le métro, les mamies, elles vous assassinent, elles vous bousculent, c'est le problème. Nous, on a une anecdote parce qu'on a reçu aussi les gamins de Tchernobyl. Et la première fois qu'ils sont arrivés à Marseille, on habite sur la plaine, on est descendu avec eux sur la place. Et là, il y a les gamins qui sont souvent dehors, qui jouent au foot et tout, Ils se sont approchés, ils avaient envie de jouer, mais comme ils ne parlaient pas la même langue, ils se sont mis à jouer. Mais bon, il y a une petite ambiance et tout. Et bon, le groupe de la plaine, ils se connaissaient bien. Puis ils ont commencé à les insulter, à les pousser. Les autres, ils n'ont rien compris. Les deux, ils sont partis. Il a fallu que je me lève et je les retienne. Ils sont partis à la castagne à une vitesse incroyable. Et les autres, ils étaient là, qui jouaient dur tout le temps sur la plaine. Ils les disaient, oh, d'où ils sortent. C'est vrai qu'ils ont ça. C'est des gens qui sont pas violents, mais les rapports sociaux sont vrais. Les rapports entre eux sont vrais. Et c'est marrant parce que sur les deux, il y en avait un qui était plutôt d'une famille indépendantiste, et l'autre, par contre, il ne s'arrêtait pas de nous dire, mais moi, je suis un Cosaque, et tout ça. Et pour continuer les anecdotes qui a un passé qui est vraiment pas, qui est compliqué et pas épuré, c'est que le petit Cosaque qui s'est épluché le genou sur les grilles en jouant, en faisant le truc, on l'a amené à la Timone. Et là, la Timone, il a été soigné par un professeur de la Timone enfant et tout. Et donc, comme on était les représentants légaux, qui n'avaient pas les parents, bon, déjà le préfet il avait bloqué, il fallait qu'il y ait la certitude que ça soit nous et tout. Et le problème, c'est que le public qui a reçu et qui a bien soigné le gamin, en partant, il nous a dit, mais pourquoi vous prenez des petits Ukrainiens? Alors, on a dit, ben, parce qu'il y a eu Tchernobyl et tout ça et tout. Et il nous a dit, mais vous savez ce qu'ils ont fait aux Juifs en Ukraine et tout ça. C'est compliqué de voir un adulte qui dit, mais ses enfants, c'est que l'histoire, les rancœurs. C'est un petit-fils de voilà. Juifs qui avait fui les pauvres. En tout cas, c'était je sais pas quoi, mais que ça ressorte à l'hôpital dans cette situation-là et tout. C'est là que tu comprends que l'histoire, elle est compliquée, que tu comprends pourquoi des guerres ressurgissent des générations après et tout ça. Et sinon, parler du niveau de vie, hein, donc nous, on a été en Ukraine il y a 3 ans, enfin juste en Ukraine occidentale, hein, dans les Carpates, hein, on n'a pas vu les zones de combat, tout ça. Mais bon, vous traversez la Pologne et on voit que l'Europe est passée par là, il y a des routes flambantes neuves, mais on a passé la frontière, c'était caricatural. On est arrivé, la route, il y avait des cratères, mais c'était pas la guerre, c'était parce que les routes étaient complètement pourries, on roulait à 20 à l'heure entre les cratères, et dans les campagnes, c'est les meules de foin, les attelages. Les attelages avec des chevaux, les bagnoles, c'est des bagnoles de l'époque soviétique, alors qu'en Pologne, il n'y en a plus une seule de l'époque soviétique, ou quasiment plus. Et là, on voit, c'est une frontière niveau de vie, quoi. Tu es dans l'Union européenne, bon, on a quand même amené, on a amené des subventions, des aménagements. Eux, ils n'ont pas l'Union européenne, et le niveau de vie, c'est pas le même du tout. Hein. Pourtant, on dit que l'Ukraine, c'était un des premiers amis. Ah, mais après, les gens, quand tu vas à la campagne, tu vois les champs, ils sont en actif. Il y a des grands champs, je ne sais pas qui s'appartient, qui a récupéré ça à l'indépendance, mais effectivement, ce n'est pas l'abandon. Alors que je me souviens, moi, être allé en Bulgarie après la chute du mur, et tout était à l'abandon là-bas. C'était terrible. Alors que là, on voit vraiment des grandes zones cultivées. Effectivement, c'est des terres fertiles. Là, le Tchernosium. Oui. Maintenant, il y a eu une activité uniquement militaire avant de réduire. Pardon, je voulais faire référence à l'époque où il était en Ukraine. En Ukraine, il avait. Oui, il disait des militaires parce que c'était un stratège, mais aussi organisateur, puisque là, quand j'ai parlé des rencontres avec les ouvriers, il était présent et il allait dans les assemblées pour discuter. C'était une activité militante et politique. Hein. Forcément un peu de diplomatie aussi, parce qu'il était en contact avec les représentants de l'armée rouge. Les célèbres photos, justement, où il a son bouton truc, il discute avec un des commandants de l'armée rouge, il discute pour. Non, il fallait se battre parce que c'était en guerre sans arrêt, mais il avait une vision anarchiste de la société et il voulait vraiment que ça soit que ça soit le communisme libertaire, parce que je pense qu'il employait ce terme-là, qu'il soit en action dans sa région. Et après, il faudrait relire les bouquins pour voir qu'est-ce qui se passait dans les périodes sous calme. Est-ce qu'il travaillait, est-ce qu'il retournait à la terre, je ne sais pas ce qu'il faisait. Non, c'est pas juste. Moi j'ai l'impression qu'il bosse, ouais, il me semble avoir souvenir d'avoir vu ça. C'est un paysan, hein, Maxime. Ses frères, il y a tous. C'est une famille nombreuse, comme tu l'as dit, je crois. Et ils étaient presque tous anarchistes. C'était tous des paysans. Bon, la plupart ont été zigouillés quand l'armée rouge est arrivée à Boulogne-Poli. Et le nom de famille, Marcneau, c'est pas très répandu, bizarrement. Il y a des Marenko, qui est diminutif, mais il y a des Marcneau. Et il y a une piste, alors, parce que Marcneau, en Rome, ça veut dire le peintre. Marcneau, carrément. Donc il y en a qui voient peut-être une filiation rome. C'est un tzigane. Ouais, c'est tout le nom qui ressemble. Ah oui, parce qu'il y a des tziganes aussi en Ukraine. Ah ben ouais, oui, d'ailleurs, il y en a dans le roman. Le mot tzigane, c'est plus pareil. Tzigane avec un ts. C'est-à-dire une lettre cyrillique qui fait ça. C'est un carré avec une. Mais il veut écrire. Ah oui. Il veut écrire un stylo. Non, c'est notre seul comme ça. Ah ouais. Là, c'est le seul de vue. C'est des. Voilà, bon, ben on va. Bon, merci beaucoup. Merci.